ですね。本当。いいお天気ですね。本当。いいお天気。この分じゃ2、3日続きそうですね。そうね。続きそうですわね。ああ、あの子も面白い形ですね。 何かに似てるな。そう、何かに似てるわ。いいお天気ですね。本当にいいお天気。 Bonjour, bonjour, bienvenue donc toujours sur Radio Libertaire. C'est bien sûr Bulle de Rêve qui revient dans ce mois de septembre. 1er septembre, première émission de cette nouvelle année 2012-2013, on va dire, avec toujours Florentine à mes côtés. Merci à elle qui continue à m'aider à faire cette émission. Je vais reparler un tout petit peu après de notre générique d'aujourd'hui. Déjà, vous avez entendu un petit dialogue juste après d'un film qui s'appelle Ohio, qui veut dire bonjour en japonais, d'un réalisateur, sûrement l'un des plus grands réalisateurs au monde, qui s'appelle Yasujirō Ozu. Je vous le conseille, c'est juste une petite merveille qui est sortie en DVD, Ozu, et vous avez entendu cette petite musique très très tatiesque. Ozu joue comme ça avec des petites choses de la vie absolument incroyables. Et si je vous disais que ça parle de paix, quasiment une grande partie, vous direz qu'est-ce que c'est que ce délire. Et en effet, c'est juste des petites choses de la vie. Ozu film ce qu'on appelait au ras du tatami et film toutes les angoisses, mais sans les filmer complètement. Et si je voulais parler d'Ozu, c'est aussi pour vous parler d'un film qu'il faut absolument voir, qui s'appelle Tokyo Koen, Tokyo Park, le dernier film de Shinji Aoyama, qui est une pure merveille, qui dure 2 heures, où on est vraiment dans l'univers japonais, il se passe vraiment pas grand chose. C'est pas de l'anime, hein, c'est pour ça que je voulais commencer comme ça. Mais il se passe pas grand chose et c'est juste un film extraordinaire qui, à mon avis, va rester très très peu sur les écrans. Donc foncez le voir, 1h15, voilà, où je pense une vraie manière de savoir filmer aujourd'hui, que beaucoup de gens ont perdu, voilà, du vrai cinéma comme il en existe très très peu aujourd'hui sur Terre, même ailleurs, j'en suis persuadé. Voilà, ça c'était la petite intro. Vous êtes bien sûr sur Radio Libertaire, vous êtes bien sûr à Bulle de Rêve, et vous ne pouvez pas savoir, mais comme je vous dis tout, je me suis fait engueuler évidemment plusieurs fois par Florentine, parce qu'il y a un putain de monde dans ce studio. C'est assez incroyable. C'est-à-dire que voilà, on est beaucoup. C'est chaud. Il fait très très chaud dans le studio, mais on va ouvrir bientôt et puis il va y avoir des gens comme ça, des hommes et des femmes nus qui vont venir nous apporter de la à boire, enfin. Oui, oui, c'est un peu une espèce de folie maintenant en ce moment. Une émission de rentrée sous le signe de Croc Anime, le festival Croc Anime, qui va nous permettre aussi de faire des transversales, avec donc bien sûr sa directrice, Sylvie Dimet. Bonjour Sylvie. Bonjour. Qui va venir nous parler du programme, mais aussi de la difficulté aujourd'hui de faire un festival, avec deux personnes qui sont en compétition dans ce festival. Hélène Marchal, qui est arrivée, yes, elle est là. Donc Hélène, bonjour. De Rio d'Arménie, donc qui va nous parler de son film, qui est en compétition, et puis de ce qu'elle fait aujourd'hui. Mathieu Vernery, bonjour. Bonjour. Qui va lui nous parler d'un autre film, Folksong and Ballads. Ils sont tous les deux de Sup Infocom, et ils vont nous parler un peu de leur film, donc en compétition, de ce qu'ils font maintenant, et puis voilà. Elle est encore étudiante, Valentine Delque. Bonjour Valentine. Bonjour. Qui elle est en DM1 et qui avec elle on va parler un petit peu d'une conférence qui va avoir lieu à Croc Anime, justement sur les écoles, et elle va nous parler un petit peu de son parcours. On va recevoir, mais on va en parler très rapidement, donc le délégué général de l'AFCA. Waouh, ça sonne super bien. C'est une espèce de truc super exclusif, mondial, interplanétaire. Personne n'est au courant. Il est là rien que pour nous. C'est vrai. Voilà, c'est vraiment énorme. Il a juste pris un bureau à l'AFCA il y a une semaine. Voilà. Je l'ai pris, oui. Oui. Donc vous avez entendu ça avant, donc peut-être certains se disent « Oh, ça y est, c'est lui ». D'autres, voilà, pendant longtemps, on a spéculé sur qui pouvait être une grande année, nouveau directeur du festival d'animation d'Annecy, nouveau délégué général. On va dire son nom dans 30 secondes. Je voulais juste dire merci et bienvenue à Rémi Dalloin qui vient. Bonjour, voilà, et qui vient et qui va nous faire l'agenda, puisque Florentine ne fait plus l'agenda, évidemment, elle a décidé, soi-disant, elle doit faire son film. On va en parler avec son producteur tout à l'heure, voilà. Elle y travaille. Donc elle y travaille, et peut-être qu'elle fera l'agenda dans 3 ans quand elle aura fini donc le scénario et le prédec. En attendant, c'est Rémi, merci beaucoup, qui va faire l'agenda. Et on va commencer quand même par dire le nom du délégué général. On va le faire maintenant. On va le faire maintenant. Bernard Boulade. Bonjour Bernard. Bonjour Alexis. Alors, ça fait quoi d'être délégué général de l'AFCA ? Je ne sais pas encore. D'accord. Mais un drôle d'effet. Je n'ai pas encore tout à fait accusé le coup. Voilà. Je comprends. Ah ouais. Bon, on va en parler un petit peu. On le verra à la fin de l'émission, Bernard. On va le garder, mais évidemment, il peut intervenir. Moi, je reste à la fin. Ouais, il intervient absolument quand il veut. On demandera à Olivier si c'est un bon choix, le fait d'avoir Bernard en délégué général de l'AFCA. C'est vrai qu'il y a Alex qui est là. Ouais. Ah voilà, c'est ça, on va en parler. On va commencer, bien évidemment. C'est son premier. Il ne présente pas. Je t'ai pas présenté. Non. Non, il dit Olivier. Je ne t'ai pas présenté. Tout le monde le connaît. Et donc, évidemment, comment ai-je pu oublier celui qui, comme à chaque fois je le dis, pendant des années a sévi bien mieux que moi derrière ce micro, Olivier Catrin. Bonjour Olivier. Bonjour Alexis. Et donc Olivier qui va venir nous parler de sa carte blanche des trois ours que le festival Croc Anime lui offre, et puis parce qu'il est aussi spécialiste, on va parler des difficultés de faire un festival et qui s'occupe un peu du festival de Bruges puisqu'il est revenu à l'AFCA, voilà, il était parti, il est revenu, et donc il va nous parler un petit peu de ça. On va parler évidemment de l'AFCA, on va parler de plein de choses donc avec Olivier. Mais avant de me faire engueuler parce que je dépasse le temps par Florentine qui regarde pour l'instant, je suis tranquille, le programme de Croc Anime. Rémi, c'est à toi pour l'agenda. Alors évidemment, la grande question, c'est de savoir est-ce que je vais oser le couper autant que je coupais Florentine. Je vais dire Valentine. Florentine, voilà, il faut que je laisse faire. Je vais avoir du mal, mais on va essayer. Rémi, à toi. On va commencer avec les festivals. Alors, le festival Silhouette commence aujourd'hui. Peut-être un peu plus dans le micro. Vas-y, dans le micro devant toi, tu es seul, vas-y. Le festival Silhouette, donc, qui a commencé aujourd'hui, 1er septembre, et dure jusqu'au 9. C'est à Paris pour sa 11e édition. Et il y aura donc des projections et des concerts en plein air au parc des Buttes-Chaumont, des séances et des ateliers au 104, et une sélection de courts-métrages de toutes nationalités et de tout genre. Le festival Croc Anime, je pense qu'on va en reparler après, je vais juste te dire les dates du 7 au 9 septembre à Paris. Ah, t'as raison, elle est à côté de toi, vaut mieux dire les dates, c'est toujours bien. C'est Sylvie, hein, je voulais dire, elle est à côté de toi, c'est vrai. Comme ça. Au Forum des Images, du 6 au 16 septembre 2012, l'Étrange Festival, pour sa 18e édition, qui va recevoir des invités tels que Jeanne Conen, Alexander Vartanov, Ben Whistley, et du mal avec les noms étrangers, Kenneth Anger, Il y aura un nouveau prix qui sera le prix Nouveau Genre. Il faut absolument voir la, il y a une rencontre avec Kenneth Anger qui se tombe au même moment qu'un abruti qui fait sa conférence le même samedi à Croc-Anim. Je sais même pas encore si je vais venir à la conférence parce que vraiment voir Kenneth Anger c'est quand même un grand monsieur. Donc je suis pas encore sûr d'aller à la conférence, mais en tout cas, voilà, hésitez entre les deux, mais ça vaut vraiment le coup d'aller voir Kenneth Anger, c'est quand même un grand monsieur. Scorpio Rising, enfin une espèce de crypto gay super intéressant. Bah, vas-y, continue. J'avais dit que je parlais pas trop, mais quand même. Alors pas tout à fait un festival, un forum, le forum Cartoon. Du 11 au 14 septembre à Toulouse. Alors ça, c'est pour les producteurs, c'est un rendez-vous pour présenter les films. C'est l'horreur. Ça, c'est pour toutes les merdes qui vont arriver sur les écrans, sur les petits écrans dans quelques années. Voilà. Mais non, je suis dur, je suis mauvaise langue. Tous les bons projets sont refusés, il n'y a que les projets nuls qui... J'ai des informations plus intéressantes sur le Cartoon Forum. Alors, il y a plusieurs événements qui ont lieu autour, et dont une projection... de production locale le jeudi 13 septembre à 19h au cinéma Le Cratère. Et donc, ce sera les maisons de production du coin, et comme Cumulonimbus, Stade Production, La Ménagerie, Le Local, Double Maître Animation, Sirius Production et la Fondation Blender. Oui, donc c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, Olivier me fait ça, c'est bien. Bernard aussi, donc ça c'est bien. J'ai une espèce de marionnette, en fait, de l'AFCA. Le Festival of Short, les 21, 22 et 23 septembre à Cailleux-sur-Mer, en Picardie. Ça, c'est un festival un peu particulier. Est-ce que tous les envahisseurs, comme ils s'appellent, peuvent organiser ce qu'ils veulent dans l'espace qu'ils veulent? Une caravane, une tente, une roulotte? Ils ont juste à mettre le programme à l'entrée. Pas mal. C'est super. Hein. Ça, c'est une très bonne idée. Non, mais tu peux laisser ouvert, Valentine. Il y a une émission. Ah, d'accord. Ok. J'ai oublié de dire, excuse-moi, je veux dire qu'il y avait un chimiste aussi dans le studio, Arthur, mais je sais pas si là, il est là et tout. Peut-être qu'après, on parlera un peu de chimie après, voilà. Excuse-moi, pardon. Ça, c'est ta première, donc il faut un petit peu que tu sois. C'est lui qui la température du studio. C'est lui qui, voilà, c'est ça. Si il a un truc et si jamais il pourra nous dire. Il faut l'évacuer ou pas. Ouais. Et comme il veut faire du cinéma aussi, après, il fera un film sur l'émission, enfin, ça va être quelque chose de grandiose. Rémi. Les ateliers et formations. Alors, Cumulonimbus organise trois ateliers, dont un qui est passé avant-hier. Il y a encore le samedi 8 septembre de 14 à 17h et mercredi 12 septembre de 10h à 12h30. C'est au cinéma ABC à Toulouse. Alors, les films des Quatre Rives. Ça, il faut se dépêcher de s'inscrire parce qu'il n'y a que 6 places. Donc, il faut se renseigner auprès de Juliette Loubière de l'association Les Quatre Rives. C'est un atelier pour adultes de 18h qui aura lieu du 10 au 14 septembre à Montreuil. Les événements projection, on a Faircourt qui organise pendant tout le mois de septembre des projections sur le thème de la Révolution. Alors, il y en a dans tous les cinémas de Picardie. Donc on peut aller sur leur site pour voir les horaires et le cinéma. Bien sûr, vous savez, comme le faisait Florentine, on mettra l'agenda de toute façon avec toutes les informations sur le site, sur The Web Anime et sur Bulle de Rêve. Et il sera disponible sur le site de AFK dès lundi, je pense. Parfait. Format court, après une pause estivale, ça revient au studio des Ursulines. Et ce sera le jeudi 13 septembre à 20h. Et une bonne raison d'y aller, c'est qu'il y aura un verre offert. C'est quoi le programme? Alors ça, il y a Bisclavret, je crois qu'il passe, j'ai vu. Non, ou est-ce qu'il est déjà passé? Je me demande s'il n'y a pas Bisclavret. Enfin, j'ai vu rapidement, mais je crois que je ne suis pas sûr qu'il y ait encore le programme. Ouais. D'accord. Pour les journalistes, on va rapidement. Une conférence de presse sur le festival Paris Court de Vent le 13 septembre à 11h au cinéma des cinéastes dans le 17e à Paris. On reparlera du festival le mois prochain s'il aura lieu du 4 au 7 octobre. Et il sera parrainé par Julie Gaillet. L'hybride rouvre. Et on aura droit au rendez-vous de Raoul le vendredi 21 septembre à 20h30. Donc Raoul Servet recevra le réalisateur allemand Raymond Kum pour présenter cinq de ses films. Je prononce mal. Faut y aller, hein. Krum, faut y aller, pardon. Ça. C'est à Lille. Hein. Tous les gens qui sont à Lille, il faut absolument aller parce que non, mais en plus, il faut vraiment y aller parce que les films de Raymond Kum sont super rares à voir. Il y a pas de DVD qui existe, ça passe rarement au festival. C'est quelqu'un qui travaille, qui est en plus plutôt accessible, on va dire, et c'est super intéressant. Ouais. Il parle français en plus. Et il parle, donc voilà. Et donc non, mais c'est vraiment une projection si possible à ne pas louper parce que voilà, c'est assez rare. Ouais, tout à fait. Très bonne. Alors, le film de Michel Oslo, Kirikou, Les hommes et les femmes, ne sort pas ce mois-ci. Mais on peut aller voir la projection en avant-première le 23 septembre à 10h30 au Grand Rex. Non, c'est pas grave. Hein. Oh, attends, on a tous vu un extrait à Annecy. On était tous, voilà. Bah, pardon, vas-y. Il y a une rencontre professionnelle organisée par l'AGRAF le 27 septembre à 19h à la Maison des Auteurs. C'est pour trouver des collaborateurs pour ces films. Donc on peut se renseigner sur leur site agrafanime.com et la rencontre sera suivie d'un petit verre aussi. Agraf, pour ceux qui ne connaissent pas, auteur groupé de l'animation française qui réunit des scénaristes, des réalisateurs et des auteurs graphiques. Pour les enfants, un ciné-goûté à l'espace des 26 couleurs à Saint-Fargeau-Pontierry. Ah, c'est pour nous ça. Je sais pas, on n'aime pas les enfants. Mais bon, vas-y, hein, je te laisse faire, mais ça ne nous intéresse pas. Donc tout le mois de septembre, il y aura Le Petit Chat Curieux de Goda Tsuneo, qui est un film japonais de 2006. Ça qui c'est bien. Diffusé. Et on... Ça c'est bien, ouais. Et comme c'est à partir de 3 ans. Et même plus, hein. Comme un écho, voilà. Ouais. 3 ans, c'est un petit peu vieux pour moi, mais... Un petit choix. Vas-y, continue. Et le magazine Positif fête ses 60 ans. Et donc, on pourra voir une série de films qui ont été tout de suite acclamés par le magazine au Forum des Images de 18 jusqu'au 30 septembre. Jean-François Léguéni est invité. C'est vrai que Positif est le seul magazine qui a défendu l'animation, on va dire, durant ces longues années. Enfin, l'un des principaux à avoir défendu l'animation. Il y a 4 films, Oui, il y a 4 films d'animation. Il y a Le Voyage de Chihiro le 19 septembre à 16h30, L'Étrange Noël de Monsieur Jack le 23 septembre à 14h30, Jean-François Aguillonni qui présentera son film Le Tableau le 23 septembre à 16h30, ça c'est celle qu'il ne faut pas rater, et Alice de Schwandmacher, j'ai toujours du mal à prononcer Schwandmacher. Pas Schumacher. Le 30 septembre à 14h30. À 30 septembre à 14h30, si vous n'avez rien d'autre à faire, il est hors de question de louper Alice. Alice est l'un des plus beaux films du monde. Voilà. Dixit, Alexis Huneau. Ah bah oui. Ah bah oui, mais c'est moi qui parle. Je ne vais pas me dire à chaque fois Dixit, Alexis Huneau. Une espèce de comédie d'Irmania d'Arte, mais quand même. C'est... Mais qui le patron ici, hein. Voilà, c'est ça, tout le monde me connaît. Enfin voilà, c'est bon. Ça. Puis Alice de Schwandmacher, on en parle tout le temps. Enfin voilà, c'est quand même. On peut voter avant. Hein. Non, c'est pas une démocratie ici. Jérémy, à toi. Les dates d'inscription. Il faut se dépêcher pour les chemins de la création à l'abbaye de Fontevraud, les 6 octobre. Parce qu'il reste peu de place. Effectivement. Donc il faut s'inscrire auprès d'Anne Lenormand de l'abbaye de Fontevraud. On peut s'inscrire directement sur le site. Et l'AFCA organise une navette qui part de Paris. Et là, il faut s'inscrire auprès de Juliette Crochu et l'AFCA. Je crois qu'il ne reste plus beaucoup de place. Précipitez-vous, c'est travailler. Ça va être, on va parler un peu du scénario. On en parle tellement peu dans l'animation que c'est plutôt bien. Sujet controversé, mais bon. Est-ce qu'il y a besoin d'un scénario dans l'animation? Voilà, on va plutôt parler de l'écriture. C'est vrai. Ouais. Est-ce qu'on a besoin d'un scénario? Est-ce que le storyboard suffit en tant qu'écriture? Enfin, toutes ces choses-là. Je suis juste un peu inquiet parce que je vois qu'il reste encore 15 pages à l'agenda. Il va peut-être y aller parce que. Si tu le coupes tout le temps, il ne pourra pas finir. Il y a du vide à la fin. Il y a peut-être besoin d'une musique au milieu entre les deux. Mais viens après, normalement, c'est bien de parler. Bon, d'accord. La fête de l'animation. On peut encore réserver des programmes clés en main et faire venir des invités. Et c'est vraiment la dernière ligne droite parce que c'est du 20 au 31 octobre. Donc, voilà, pour moi, vous pouvez pas m'inviter. Moi, je suis déjà pas là entre le 23 et le 28 octobre. 29, donc, mais après, je suis encore libre le 30 et 31 octobre. Je suis pas très cher, enfin, n'hésitez pas. Voilà. Mais sachez que. N'oubliez pas 01 43 71 89 40. C'est le truc du studio. Vous pouvez appeler. Bah, faut bien que je me fasse engager ici. Vas-y. Pour les programmateurs, toujours sur la fête d'animation, il y a un prévisionnement des programmes La Croatie s'anime et César 2012 le jeudi 6 septembre à 14h. Et à 15h30, à Salle Tati, à l'agence du cours. Pour s'inscrire, il faut contacter Fabrice Marca. Ensuite, vous pouvez préparer votre agenda de la fête en consultant le site de la fête. Et surtout, vous pouvez consulter la bande-annonce de la fête d'animation qui a été faite par un graphiste qui s'appelle Damien Pelletier. La bande-annonce est vraiment magnifique. Donc, toujours visite aussi. Inspiré, le délégué général qui fait oui tout le temps comme ça depuis tout à l'heure, c'est grandiose. Jusqu'ici, tout va bien. Arte organise toujours son concours Le jour le plus court. On a jusqu'au 21 octobre pour envoyer des films. Il faut que ça soit un film d'une durée de 2 minutes. Ça peut être un clip, une bande-annonce, une fiction, animation, expérimentale, tout ce qu'on veut, en langue française ou muet. Et on gagne une diffusion sur Arte. Faut mieux ça que TF1, tout l'un même. Des concours les plus ridicules qu'on puisse avoir. Non, mais on gagne pas d'argent, ils se font un... Ils font plein de il y a plein de gens qui vont voir leur site. Mais on en reparlera, non, c'est intéressant de l'annoncer. Mais on devient une célébrité après. Voilà. Bien sûr, ouais, c'est connu sur Arte. Il y a un concours Jeanlin, tu parles du concours Jeanlin ? Le concours Jeanlin. Il y a un concours beaucoup plus intéressant, le concours Jeanlin, qui a une bière, donc déjà c'est plus fun. Faut faire des films de 30 secondes et c'est sur l'idée de rébellion, je crois, un truc comme ça. Donc, super intéressant, on en parlera aussi. Très très bon concours. Alors, j'essaierai de les contacter parce que je n'ai pas eu d'informations. C'est autre chose, Jeanlin Carté. Passeur d'image continue son appel à film. On a jusqu'au 15 septembre, donc il faut encore se dépêcher. Et c'est tout ce qu'ils ont envoyé. Cyclic donne une aide au financement avec un plafond de 45 000 euros. Toutes les techniques d'animation, sauf les ordinateurs, parce que c'est nul les ordinateurs. Et surtout qu'ils sont en plein centre, il n'y a pas d'ordinateur. Ah, c'est vrai que Superfocom, il y en a deux qui font des ordinateurs, donc attention. Ah, vas-y, continue, tu te feras frapper à la fin, à la sortie, c'est bon, facile. Une exposition sur laquelle j'insiste, c'est celle de Violaine Lécuyer sur son film Le Sans Nom, qui sera du 18 septembre au 19 octobre au Gobelin. Et elle présentera donc tous les rendus plastiques de son film, du grattage, du collage, de l'encre, de l'aquarelle, du papier, du monotype, et même une reconstitution sur multiplan d'un des décors de son film. Et il faut... Non, il ne faut pas s'inscrire. Ouais, t'as une minute encore pour faire le truc. Parce que je suis presque dans mon timing de l'agenda, j'en reviens pas. C'est bon, j'ai presque fini. Non, mais c'est incroyable, je suis presque dans le bon timing. Bulle de rêve, on va passer, c'est le 1er septembre. Ouais, c'est bon, ça, on connaît. Les sorties de cinéma, le 29 août, il y a Les Enfants, Lou, Am et Yuki. Je ne l'ai pas encore vu, mais allez-y, j'ai loupé hier. Enfin, allez-y, je suis sûr que c'est super bien. Je vais me faire insulter quand je vais prononcer le nom du réalisateur. Mamoulou Osoda. Vas-y. Le magasin des suicides. Là, tu vas te faire insulter rien d'avoir dit le nom du film. Ça, j'en étais sûr, pas pour toi. De Patrice Lecomte. Ouais, vraiment, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Déjà, la critique, déjà, l'a assassiné, d'accord. Il y a de quoi. C'est vraiment pas bon du tout. N'allez pas le voir. Ouais, j'avais pas envie de le mettre, mais bon, on est bien obligé. Oui, t'as raison. Et le même jour, Le Chien du Tibet, un film sur lequel j'ai pas trouvé grand chose. Non. De Masayuki Kojima. Ouais, une espèce de coproduction un peu étrange avec les films. Ouais, sûrement pas très intéressant. Allez voir Les Enfants Loups. Oui. Pour l'instant, ouais, c'est tout. Et dans les diverses, alors les rencontres audiovisuelles ont produit un jeu d'éducation à l'image pour les enseignants à destination des primaires et collèges. On peut se procurer le jeu. Je pensais que c'était un jeu pour les enseignants pour qu'ils comprennent enfin l'image. Là, ça leur ferait du bien, mais bon, ils ont eu 2 mois de vacances pour jouer. Ils peuvent quand même se remettre au travail. Ouais. Non, mais en plus, on peut dire ça. Il y a un prof derrière le micro parce qu'évidemment, Nicolas est là. Moi aussi, je joue quand même. Enfin, bon, faut pas exagérer, mais bon, j'ai joué un peu. Tu t'as joué un peu ? Et alors ? C'est très bien. D'accord. Même Florentine. Hein. C'est assez chouette. Ouais. C'est une belle. Enfin, j'ai vu juste un. Voilà, Il est bien fait. D'accord. Il est bien fait. Approuvé par le délégué général de l'AFCA. Ah, maintenant, t'es même plus Bernard. T'es le délégué général de l'AFCA. Vas-y, Rémi, fini. Le festival. Mais c'est le cinéma, le festival. Fait sa rouverture pour la 5e saison. Et c'est un cinéma 100% animation et effets spéciaux. Et ils nous remercient parce qu'ils ont eu 7% de fréquentation en plus grâce à la rapport l'an dernier. Il faut pas dire où il est. À Bègle. À Bègle, oui, pardon. Ouais, mais Zag est plutôt bien, c'est pas dire forcément où c'est. Oh, c'est après, les gens cherchent. Vous êtes vraiment des Parisiens. On dit où c'est parce que c'est pas à Paris, ils vont pas savoir. Et alors, il y a d'autres gens partout dans France. L'AFCA, l'association française, c'est pas l'APCA. L'association parisienne du cinéma d'animation. Mais bien sûr, mais pas du tout. Ils se disent, ah, on parle, il n'y a pas besoin de dire que c'est à Bègle. Ok, on parlera de ça. De toute façon, je suis contre la nation, les régions, en fait, tout ça. Donc. Oh là là, on est parti dans un grand débat. On est parti dans un grand débat. Donc aujourd'hui, vous allez assister c'est la là maintenant. Avec Alexis. Oui, bien, c'est bon, Sylvie, tu vas parler après. Donc. Vous allez assister donc à un moment donné exceptionnel, là où, alors qu'on est sur une antenne libre, d'une des seules radios libres sur la FM, etc., un animateur va se transformer en animateur de. d'énergie ou je sais pas quelle radio comme ça. Et donc voilà, et donc je vais, comme je le fais souvent, comme je l'ai fait deux trois fois, dédier, enfin pas dédier, mais bon, la personne se reconnaîtra, toute la musique qu'on va entendre pendant cette émission. Ouais, je sais, ça fait un peu de mystère, blablabla. Voilà, je sais pas si elle écoute, visiblement, d'après ce que je peux comprendre, elle écoute Bulle de Rêve. En tout cas, là, aujourd'hui, je le sais, elle écoute, donc voilà, donc c'est pour elle. On a commencé par Sin at the Sea, Silent Love Forever, qui était musique de Joe Hisaishi pour Hanabi. Et on continue par pas le morceau que j'aurais voulu passer, parce que j'aurais voulu passer un morceau qui s'appelle There's No Sky, qui est vraiment le morceau que j'adore de ce groupe, que j'ai découvert donc récemment, qui s'appelle Collapse Under the Empire. On va écouter un morceau d'un autre album qui s'appelle Angle of Incidence, de l'album A Place to Be Safe. On a 5 minutes pour se reposer. À tout de suite. We'll be right back. Collapse Under the Empire. Bulle de rêve, toujours, bien sûr, sur Radio Libertaire. Collapse Under the Empire. Un groupe à vraiment, vraiment découvrir. Voilà, on en reparlera sûrement et je le montre. Je ferai sûrement écouter donc, ce fameux morceau que j'adore qui fait 6 minutes 20. Mais là, il y avait tellement de monde que je me suis dit non. Ok. Croc anime. Donc, Sylvie Dimet. Oui. Sylvie, rebonjour. Rebonjour. Alors, on a une soirée d'ouverture. T'es déjà venu, donc on va pas revenir sur l'idée de un croc anime, on sait ce que c'est. Enfin voilà, donc là on va vraiment parler du programme et la difficulté d'avoir des subventions pour faire un programme. Soirée d'ouverture avec avec quelqu'un qui s'appelle Pierre Coffin, que vous connaissez parce qu'il a fait plein de petits trucs avec voilà, ça dit quelque chose, et qui a réalisé un long métrage américain qui s'appelle Moi moche et méchant, co-réalisé pour Universal. Que des noms qui sont agréables à entendre. Mais Pierre Coffin, c'est quand même un grand monsieur, il a fait plein de choses. Pourquoi Pierre Coffin par rapport à l'année dernière qui était Marc Jousset. Marc Jousset, c'est l'idée de montrer toutes les choses différentes de l'animation. Je prends M&M's. Oui, une Sylvain, part. Et puis, en même temps, c'est toujours très bien d'avoir quelqu'un aussi qui fait aussi des petites choses amusantes, parce que moi j'aime bien ces petits pingouins, ces petits pins. Chacun son, quand il fait. Ces petits films d'animation, je trouvais ça bien amusant. Et puis et surtout, enfin, on l'a bien connu à cause de Dédé, quand même, aussi, il faut le dire, par la pub. Mm. Voilà, et puis c'est une personne très sympa, très agréable. Donc il sera là pour la soirée d'ouverture. Mais bien sûr, il sera là. Parfait. C'est une bonne nouvelle. Il va nous montrer plein de films et il va nous expliquer un petit peu son parcours aussi. Mm. Comment il est arrivé à l'anime et... un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé, des films qui ont été refusés aussi de chez lui. Voilà, il dira aussi pourquoi. Ok, donc ça c'est la soirée d'ouverture. Après on va parler évidemment petit à petit. Donc qui c'est qui fait la sélection des films? Alors d'une part c'est moi. Waouh. Voilà, okay. Et faut dire que Croc Anime attend de former une équipe, donc avec aussi pas mal de stagiaires et puis des amis là qui viennent de temps en temps et qui regardent. Je demande leur avis parce que c'est toujours important. C'est très dur de choisir, de sélectionner des films. J'ai l'impression qu'il y a plus de ça peut être terrible comme question, ça voudrait dire, mais j'ai l'impression que par rapport à l'année dernière, on a plus de grands noms, entre guillemets. Là, on a Tram, qui vient d'avoir le Grand Prix à Annecy, on a Bisclavray, on a Simone et Massy, on en reparlera tout à l'heure, avec les Trois Ours, on a Johanna Lurie qui présente son nouveau film Partir, on a... mais on a la chance rouge, maintenant que ça y est, Croc Anime commence à se faire connaître, et du coup... Il y a plus de films qui arrivent maintenant, c'est bon? Oui, mais faut pas oublier aussi que Croc Anime a une porte ouverte aux amateurs aussi. Ça c'est important. Est-ce que cette porte ouverte aux amateurs pourra durer dans je l'espère. Justement, durer dans la durée, bien joué Alexis. Est-ce que ça va exister encore dans 3 ans? C'est-à-dire que là, il n'y a pas de film de l'ONF, il n'y a pas de film absolument, de certains gros studios, non. Si jamais. Absolument, c'est le but de Croc Anime, il ne faut pas l'oublier. Moi j'aime bien, c'est le mélange. D'accord, c'est le mélange, c'est-à-dire il y a des personnes qui sont déjà dans l'animation depuis des années et qui ont comment dire déjà de super films et puis il y a d'autres qui veulent démarrer, puis faut les faire aussi connaître, c'est important, faut les non seulement connaître leurs films mais aussi les écouter. Donc s'ils peuvent venir au festival et discuter, nous donner leur parcours, pourquoi. Donc la compétition est justement faite avec des programmes, donc école d'animation. Vous pourrez voir des films comme La fille qui pleut, hein, Tony Ferro, dont on a souvent parlé ici, qui est excellent. On va parler de Rio d'Arménie, bien sûr, très Frog Song and Ballads, mais il y a Les Chiens Isolés, que moi j'aime beaucoup aussi, des Gobelins. Il y a des programmes adultes. Alors le vendredi septembre étant une espèce de spécial Florentine Grelier. Hein, c'est l'intégrale Florentine Grelier. C'est-à-dire que si vous y allez vendredi, Florentine n'est pas là, c'est dommage, elle a été chercher à boire. Mais voilà, mais c'est une spéciale Florentine Grelier, puisqu'on a semaine paradoxale, On m'a fait la haine. Non, pas du tout, ça c'est dans le programme adulte. Et Roux, le soir même, juste après. Voilà, donc on a les trois films, puisqu'on attend le quatrième, les trois films de Florentine. De la vraie star du festival. De la vraie star du festival, en fait, de la vraie star du monde de l'animation. D'ailleurs, on va tous arrêter de parler et on va rentrer. Voilà, donc Florentine. Et écoutera ça quand elle réécoutera le podcast de l'émission. Ensuite, donc, on a voilà, programme école d'animation, programme adulte, programme tout public, programme film étranger, c'est ça, hein, c'est les quatre programmes. Et voilà. On a aussi un programme jeunesse. Et un programme jeunesse. Quand même. Je dis quand même parce que C'est un festival qui est ouvert à tous, hein, d'accord. Mais c'est vrai que aussi, on a envie de faire connaître au grand public, aux adultes, qu'est-ce que c'est que le film d'animation. Faites juste attention parce que il y a une petite chose dans le programme que moi j'ai remarqué juste aujourd'hui. En effet, il n'y a pas de numéro de programme. Et quand il y a marqué programme école animation, en fait, il y a plusieurs programmes école animation. Donc ne croyez pas, parce que c'est vrai que quand on regarde rapidement comme ça, on peut se dire, ah ben comme il n'y a pas de numéro, j'avoue, voilà, comme ça je te le dis en direct, voilà, il n'y a pas de numéro, c'est vrai que on peut croire que c'est des rediffusions, non, en fait il n'y a aucune rediffusion, c'est à chaque fois une séance. Voilà, mais si on regarde bien le programme qui est sur notre site crocanime.org, eh bien à ce moment-là, on peut regarder page par page et on verra qu'il n'y a pas de film fait rediffusé deux fois. Donc on a des très jolis films, Journey of Equity, dont je n'ai pas parlé, qui est très joli, programme jeunesse. Qui c'est qui fait le... J'ai trouvé ça surprenant que c'est un programme jeunesse. Je trouve assez dur ce film. Non, toi tu. Journey of Equity, qui est un petit, qui est de l'MK, qui est Mathilde Regnault, et j'ai trouvé le film assez dur à la fin, enfin d'un petit. Petit chat qui refuse en fait d'avoir de parler aux gens et qui finit par. Oui, mais à la fin quand même ils se retrouvent et ils repartent ensemble. D'accord. Donc La Veuve Caillou, Tempête dans une chambre à coucher, Planète Z, enfin voilà, donc vraiment plein de... Ça, ce n'est pas dans le programme jeunesse, hein, attention. Hein. Tempête dans une chambre à coucher, c'est dommage. Du programme jeunesse, et bien coup, paf, on parle à Tempête dans une chambre à coucher. Voilà la star qui revient. Vendredi, parce qu'on a dit que vendredi, c'était ta journée. Apparemment. Et c'est super. Florentine a lâché Crocanime. Elle nous a quittés. On est triste. Mais on la retrouve à travers le. Non, j'allais dire un truc, mais je le dirai pas. Il ne faut pas oublier qu'elle animait les ateliers. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il y a une carte blanche. On va parler de la carte blanche basée aux trois ans après. Il y a une carte blanche à Marc Jousset. Je suis bien content. Avec notamment pas mal de films coproduits avec les trois ours, quand même, puisqu'il y a Saison Mutante. Donc voilà, donc pas mal. Hein. C'est pas coproduit en fait, c'est pas que des films de. Ah, c'est en fait, de Marc Jousset qui a. Il a eu un coup de cœur pour ce film, donc il a demandé de le mettre dans sa carte blanche. D'accord, génial, très bien. Bon, bah, parfait, alors encore mieux. Et une carte blanche pour notamment plus pour les enfants, c'est vraiment, ça marche très très bien. À Isabelle Duval, notamment réalisatrice des Devinettes de Renette, et voilà. On a aussi une. Ma meilleure amie croit au Père Noël, c'est pas tellement pour les enfants, si. Ah bon? Si. Moi, je préférais montrer Tempête dans une chambre à coucher aux enfants que. Mais bon, en tout cas, chacun ses enfants, j'en ai pas. Donc voilà, Sylvie. Elle ne fait que pour les enfants. Donc voilà. Il y a aussi une spéciale Kaelou quand même avec. J'avais oublié. C'est bizarre, hein, des fois, les trous de mémoire comme ça, la vieillesse, c'est terrible. Une spéciale Kaelou quand même, hein, oui, plus créative. Eh oui. Il ne faut pas l'oublier. En plus de ça, on va avoir des petites surprises. Voilà. Je suis très contente que Marc revienne. C'est qu'il a vraiment bien aimé l'année dernière. Donc Ah oui, donc ça tombe bien en fait. C'est vraiment des coups de cœur parce que je voyais qu'il passait le film d'Antoine Blandin, 11847. Je suis bien content. Normalement, on ne récupère jamais les films d'études d'école comme ça trop pour les mettre dans son catalogue. C'est pas trop leur style. Et en fait, non, c'est juste un coup de cœur. Et je pense que peut-être le prochain Antoine Blandin est coproduit, c'est ça. Est produit par. Enfin, je suis bien content. Et Olivier Gatrin qui fait juste vous paye pas lente, parce que même si vous entendez toujours cette petite truc, c'est Florentine qui prend toutes ses photos, là je crie. Olivier me fait des grands gestes, donc ça veut dire que oui, le prochain film d'Antoine Blandin sera produit par Je suis bien content. Donc on a fait à peu près tout le programme. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit que tu veux? Oui, quand même, t'aimerais les tables rondes. Quelle table ronde? Oui, mais on va en parler après. Ah, d'accord. On va parler de la carte blanche, on n'a pas parlé de la carte blanche. On n'a pas parlé quand même de la carte blanche de l'AFCA. Exact. Et alors, franchement, c'est fait exprès, c'est une espèce de provocation face au délégué général. C'est quand même très important. Alors, mais c'est parce qu'en fait, j'ai trouvé que le programme était de qui, d'Afka ou de Crocanime? Non, mais aucune nouveauté. Les Balayeurs, bon, c'est bien, de Serge Elissalde, son premier film, c'est intéressant. La Leçon des choses de Juliette Loubière, un talent incroyable, mais on le connaît par cœur. Au premier dimanche d'août de Florence Mignaille, normalement, celui qui l'a pas vu, enfin, il fait pas d'animation. Biotope de Merwan Chaban. Bonsoir Monsieur Schout, Stéphanie Lansac, François Leroy. Alors oui, il y a, certes, si vous l'avez jamais vu, il y a Je criais contre la vie ou pour elle, qui est l'un des plus grands films français de ces dernières années, donc il faut foncer, aller le voir. Donc vous pouvez louper les 50 premières minutes. Le but de, quand même de cette carte blanche n'est pas forcément dire que pour les films, c'était aussi, ce qui est très important, c'est de faire connaître l'AFCA. Alors attention, parce que Olivier est prêt à dégainer. Et d'évoquer, parce que je vais animer cette rencontre, d'évoquer un petit peu l'histoire de l'AFCA aussi. Ouais. Et donc l'idée, c'était de prendre des films qui ont été primés lors du Festival National du Film d'Animation, depuis Arly... Pourquoi Bah, Pistache. Pistache, il a eu trois prix depuis Marly jusqu'à Bru, en passant par Hoche. Et donc, c'est un choix de film, on va dire, représentatif et varié, de films primés. Donc, c'est des films, effectivement, qui sont très connus par les gens qui ont l'habitude de voir beaucoup de films d'animation. Non, mais je crée contre la vie ou pour elle, en plus, aller le voir, parce que c'est le prix qui a été donné à Bru, c'est nous qui l'avons donné. Parce que j'étais à la base, c'est le seul prix que j'ai donné dans tous les films. Donc voilà, c'est un film absolument incroyable. Il faut le voir vraiment plus en salle, autant les autres. Il faut les voir aussi, hein, le Lansac et le Roi, c'est vraiment bien de les voir aussi en salle. Biotope est assez rare, il n'est pas sur Internet encore, je crois. Mais je crée contre la vie, il n'est pas sur Internet. Allez voir, c'est juste une merveille ce film. C'est vraiment un film superbe. Et donc on va parler de l'AFCA et il y aura le délégué général de l'AFCA qui sera là. Oui, sans doute. Il n'est pas encore sûr. C'est un dimanche soir, il se dit bon. Ouais, moi, il a dit c'est... oui tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Je viens d'arriver. Oui, mais il faut créer le suspense un peu. Voilà. D'accord, c'est, voilà, c'est ça. C'est donc, c'est. L'AFCA, c'est pour. Donc je ne suis pas responsable de ce programme, puisque je n'ai pas encore délégué général. Donc, je n'ai rien dit. Donc, voilà. Très bien. Mais j'ai confiance en les personnes qui l'ont fait. Bien sûr. Oui. Okay, bien sûr. C'est politique, hein. C'est très bien. C'est un très bon début. C'est un peu l'occasion de revenir aussi sur l'histoire de l'AFCA avec un monsieur qui a beaucoup compté dans l'histoire de l'association, c'est Lionel Charpie. Qui, qui fait partie du jury, qui est un professionnel de l'animation, un décorateur de talent, qui a travaillé avec beaucoup de grandes animations et qui a présidé l'AFCA pendant des années et qui a vécu l'aventure de l'AFCA. Donc en fait, j'ai plaisanté, mais donc une belle soirée pour comprendre. Ce qui est. J'allais dire, c'est enfin, ce à quoi sert l'AFCA. Et oui, on pensait que j'allais dire une gentillesse, et ben non, il faut absolument que je redise une saloperie juste après. Non, non, une belle soirée pour comprendre que l'AFCA, ça fait 42 ans, 41 ans, on est en 2012, que ça existe. Et que voilà, et que c'est donc très important. Donc, ça c'est le programme, avec des membres du jury, 4 femmes, 3 hommes, très bien. Quoi, qu'il y ait que 4 femmes qui est très bien. Malheureusement, encore quand même 3 hommes, mais en tout cas, parfait. Très, très bien. Donc, beau programme. On répète, c'est du 7 au 8 au 9. Donc, le 8 étant entre le 7 et le 9. C'est du 7 au 9 septembre au théâtre de Ménilmontant. Vous avez tout, absolument tout, sur crocanime.org. Donc, voilà, il y aura aussi l'auditorium. Et puis, ça se passe parce qu'il y a les séances pour enfants. Qui se passe au pavillon carré de Baudouin. Au 121 rue de Ménilmontant. Voilà. On redira un petit peu ça après. Ce qui est intéressant aussi de te faire venir, c'était de dire à quel point tu t'es rendu compte en montant ce festival de la difficulté de toucher des gens aujourd'hui à Paris pour monter un festival d'animation. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu de toutes ces portes auxquelles tu as tenté de frapper et qui ne sont pas restées closes, mais en tout cas qui sont très peu ouvertes. Putain, c'est très beau ce que je dis. Notamment par rapport au parrain, dont je suppose que c'est allusion au parrain. Au parrain. Non. Ou personnes qui doivent venir pendant le festival. Ah non, moi je suis gens qui donnent de l'argent. C'est une grosse histoire. Bah voilà, alors bon, on a 5 minutes. C'est une grosse histoire et il n'y a pas d'argent. Mais c'est une grosse histoire. C'est pas évident, aussi bien par la ville de Paris. C'est vrai que Croquenim n'est pas dans une salle de cinéma, ce qui est un choix, absolument. C'est un choix pour beaucoup de choses. D'abord, le théâtre de Ménilmontant, dont son directeur est Hugues Bassicalupo, nous ouvre ses portes gracieusement, et ça, c'est très important. Quand même, pendant 4 jours, on a le théâtre pour nous, il ne faut pas l'oublier. Et la ville de Paris met quand même un point d'honneur le fait de faire des festivals dans des salles de cinéma. Bon, ils subventionnent aussi les aides, ils aident les salles, donc quelque part on nous demande aussi d'y aller. Et surtout, je pense que tu dois t'adresser à la mission cinéma. Mmh. Et la mission cinéma, son rôle c'est quand même d'aider les salles de cinéma à Paris. Oui, mais bon, pour moi, le théâtre de Ménilmontant, on oublie, a été aussi une salle de cinéma. D'ailleurs, elle est faite comme une salle de cinéma. Ils ont leur cabine avec vidéoprojecteur, ils ont un bel écran. D'ailleurs, cette année, ils ont tout refait, un super écran, une salle. Et puis le fait d'être aussi dans une salle différente, eh bien, ça nous permet d'avoir le temps. On fait ce que l'on veut. On n'est pas dans des espèces de paramètres d'une salle de cinéma. Et ça, la liberté, on la paye, quoi. Bon, on va nous dire aussi que il y a beaucoup de festivals. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Alors, il y a beaucoup de festivals, effectivement, mais il n'y a pas de festival que de films d'animation sur Paris. C'est le seul festival. Alexis, t'es d'accord avec moi? Bah non, il y a le seul festival de films d'animation court métrage, notamment gratuit, sur Paris. Non. En court métrage. En court métrage, oui, parce que maintenant le Carrefour de l'anime se met à faire du long métrage, mais ils ont fait pendant longtemps du court métrage quand même. On a un festival compétitif que ne peut pas être le Carrefour, entre autres. C'est pas vraiment un festival, c'est une manifestation. Pas, ouais. Voilà. C'est un événement. C'est ouais, mais on n'aime pas la compétition ici, donc c'est pour ça que je. Toi. Les jeunes aiment bien. Parce que ça leur permet aussi, comme ça, de, ah non, mais c'est vrai, de s'avancer. Le reste, c'est. Non, il faut trouver un autre animateur. À moi, ça ne me dérange pas. Mais en effet, la compétition, j'ai jamais compris comment on pouvait comparer deux films. C'est quelque chose qui me dépasse. Je peux comprendre que deux personnes dopées, ils n'ont pas la même chose, ils n'ont pas le même dopage. Donc forcément, s'ils ne font pas le 100 mètres de la même manière, on peut se dire, ah bah tiens, lui vient de tel pays, le dopage est meilleur que dans tel autre pays. Ça, c'est autre chose. On va en parler avec les réalisateurs qui sont là. Je sais que de montrer son film et peut-être d'avoir même un prix et d'avoir est toujours quelque chose d'intéressant. Donc je sais bien que c'est l'une des grandes complexités de la chose. Après, moi, je pense que montrer des films déjà est une bonne chose. Mais non, c'est parce que tu me lançais sur l'idée de seul festival. L'important, c'est que moi, de toute façon, je considère que c'est le problème qu'il y a d'Ursuline, etc. C'est que plus il y aura de festivals, de toute façon, d'animation, plus il y aura de programmes d'animation, plus les gens viendront voir de l'animation. Pour l'instant, oui, le problème qu'on a, c'est que de toute façon, il nous faut 10 festivals sur l'animation. Il nous en faut pas un ou deux. Il nous en faut 10, il nous en faut 15. Il faut plein de salles qui passent des films. Les gens adorent l'animation. Quand ils en voient, le problème, c'est qu'ils en voient pas. Et donc, c'est là l'une des problématiques après qu'il y en ait. Enfin, voilà. Donc, moi, je. Ouais, tout à fait. Mais bon, on m'a aussi répondu qu'il y avait une grande. Que le film d'animation avait une grande visibilité sur Paris. Donc, il y a pas. Ouais, mais bon. Voilà. Donc la difficulté, oui, c'est ça. C'est d'une part par rapport à que ce soit la mairie, mais que ce soit aussi de la DRAC. Hein, on a aussi un problème à ce niveau-là. Pareil, salle de cinéma. Et ensuite, c'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, la liberté se paye. Donc, je fais appel à des mécènes. Et donc surtout faire appel aussi aux gens, parce qu'évidemment, c'est toujours la même chose. Si vous vous déplacez, si le festival peut dire qu'il a été complet, parce que ces gens-là, des fois, même s'il reste 30 secondes dans la salle, il y a les gens de la mairie qui viennent, les gens de la DRAC qui viennent se déplacer de temps à autre quand ils donnent un peu d'argent et puis ils viennent. Donc, il faut que les salles soient pleines, il faut qu'on prenne des photos, il faut que vous montriez que l'animation, ça vous intéresse. Ça y est, aujourd'hui, on ne passe quasiment plus de films en VO, en long métrage. On n'en passe plus à Lille, on en parlait récemment, qui est quand même pas une petite ville. À Paris, les films maintenant passent à 8h ou 10h, et encore, Paranorman, ça passe quasiment plus en VO. Ils passent au Hall, c'est tout. Et voilà. Vite aller voir Les Enfants Loups, parce qu'ils risquent de plus passer en VO aussi très rapidement. Là, maintenant, c'est à vous aussi un petit peu, quoi. Ça commence à bien faire. Puis ça fait allez-y. Gratuit, donc, c'est vraiment l'occasion. Mais si oui. On sait pas ce que c'est, voilà. Que ça soit gratuit. Et vous verrez, à l'intérieur du festival Croc-Anime, deux films incroyables qui sont pas sur Internet. Donc, il faut aller voir. Je vais commencer par Hélène, parce que c'est la fille et tout. Donc ça voilà. Donc, de Riou d'Arménie. Oui. Hélène Marchal, qui est l'un des trois co-réalisatrices. Quatre réalisatrices du film. C'est un film qui, en fait, qui marche super bien. Ouais, c'est, qui est pas super drôle. Qui est super bien. Qui est sur. La maladie d'Alzheimer. Voilà. Et qui marche vachement bien en animation parce qu'évidemment, il y a l'idée incroyable, cette belle idée des papiers et le fait de perdre des papiers. Est-ce que ça, c'est un peu bateau, mais est-ce que c'est venu, l'idée est venue de suite ou est-ce qu'il y avait un côté visuel, t'as eu une vision, il y avait quelque chose en disant, oh, ça serait bien si on imaginait que les papiers sortent de la tête ou alors tu te dis, non, je veux faire un truc sur Alzheimer et tu t'es demandé comment travailler, ça s'est passé? Je voulais traiter de la maladie d'Alzheimer et j'ai cherché le meilleur moyen visuel pour en parler. Et que ce soit visuellement compréhensible et dans le temps imparti aussi du court-métrage. Un peu plus dans le micro, Nico. Ouais, un peu plus. Ouais, merci. Ouais, donc dans le court-métrage. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place quand on est dans une école comme Supinfocom qui laisse beaucoup de liberté, beaucoup plus que certaines écoles malgré tout? Mais est-ce qu'on. Difficile à mettre en place, c'est-à-dire Par rapport au sujet, est-ce qu'on dit, oh, tu prends un sujet qui est compliqué? Est-ce que. En fait, mon projet a été sélectionné. Au moment des sélections des films. Donc en fin de 4e. En fait, c'était plus de regrouper des gens qui étaient intéressés, enfin des autres étudiants, pour m'accompagner sur le projet qui a été difficile. Parce que je pense que les profs étaient pour le projet. Ouais. Je sais pas, enfin, peut-être que si j'en discute avec eux. Non, je pense pas qu'ils regrettent d'avoir sélectionné ce projet, mais. Oui, je pense que c'était pas un projet vendeur, c'était pas. Ça promettait pas une technique de folie, des images de fou. Et... Ouais, parce que, pardon, pour ceux qui sont devant leur ordinateur, évidemment, j'ai mis sur The Web Anime la bande-annonce. Vous avez la bande-annonce de Rio d'Arménie, donc vous pouvez voir graphique. C'est quelque chose que tu avais déjà fait dans ton film précédent. C'est une technique différente. Des graphies, oui. Ouais. En fait, j'aime la 3D, c'est mon, on va dire mon médium principal, mais j'ai envie de l'utiliser autrement que ce qu'on voit tous les jours. Après, c'est les gens qui le font autrement le font très bien aussi, mais je voulais tester autre chose. C'est-à-dire en fait, autrement, c'est par rapport à ce qu'on voit avec Pixar ou rendu, autre, quoi, et qui maintenant est la norme, on va dire. Quand on dit, ouais, moi j'ai donc voilà, en fait j'ai cherché à mélanger la technique d'animation 2D et la technique d'animation 3D et utiliser la 3D comme support en fait de mes faiblesses en 2D. J'utilisais la 3D pour et après tout réharmoniser avec la 2D. Quelles sont les réactions? Je pense qu'avec un film comme ça, encore plus que le fait que le sujet soit fort comme ça, est-ce que les gens viennent te voir? Parce que là on parle de technique d'un seul coup, beaucoup en festival finalement pour te parler du film en lui-même et assez peu de la technique, ce qui souvent arrive dans les gens de l'animation, leur parle avant tout de la technique ou non? Toi on t'en parle quand même? Oui, si, on parle de la technique d'abord. J'étais sélectionnée au festival de Clermont-Ferrand, on a fait une conférence avec Claude Duty et je me souviens plus le deuxième intervenant. Ouais. Et c'est la première chose sur laquelle on... Vas-y Bernard, Michel. Michel Coulombe. Et la première chose dont on a parlé, c'était la technique. Alors que juste avant, il y avait plein de fictions qui sont passées, on a parlé du sujet, on a pas parlé, vous avez utilisé quel type de caméra et machin. Ce qui est quand même incroyable, Bernard, toi qui est, voilà, ça fait longtemps, on va en parler tout à l'heure, qui connaît l'émission, c'est quand même incroyable qu'on en soit encore là, alors que le film là, vraiment parle d'un sujet à Alzheimer, on parle vraiment de manière frontale, en plus c'est même pas, on est sur le côté ou quoi, il y a un panneau à un moment donné, bah tiens, est-ce qu'elle va appeler l'hôpital, enfin la clinique Alzheimer, etc. Donc c'est quand même étonnant qu'on en soit encore là. Non, mais ça arrive un peu toujours, je dirais, ça arrive encore plus dans le documentaire. Alors ça c'est le pire, parce que dans les documentaires on ne parle que du sujet, on parle très très rarement du traitement, la réalisation, enfin des c'est choix, Alors dans le documentaire on parle que sujet, alors quand le sujet écrase le film, écrase le film. Il arrive des films de fiction aussi quand il y a des sujets un peu sociaux, disons, ou ancrés dans un réel très avec lequel on est familier. Sauf que là, c'est l'inverse. C'est ça qui est étonnant. C'est qu'en animation, là où Hélène pourrait savoir dire « Ah, vous avez traité ça, ça devait être difficile. » Non, là, on lui dit « Ah bon, c'est étonnant, comment vous avez travaillé, vous n'êtes-tu pas Infocom, enfin, etc. » C'est étonnant. Ben, peut-être parce qu'elle moi, j'ai pas vu le film, alors je ne sais pas. Mais peut-être parce qu'elle a changé de place, qu'elle a justement réussi à détourner, enfin, peut-être la 3D de son rendu habituel. Alors, je ne sais pas si elle a... C'est peut-être ça. Peut-être ça aussi, c'est qu'il y a une texture très particulière peut-être au film, voilà. Qui était peut-être un choix fait aussi. Oui, peut-être qu'effectivement, si j'avais traité le film comme on le traite en 3D traditionnellement, peut-être parce qu'il n'y a pas... J'en sais rien, j'ai encore... peut-être que le film n'est pas trop non plus moralisateur, ne cherche pas à l'être, ou enfin, c'est le genre de sujet qui peut être un peu pesant par un... On a essayé de rester en suspens, de ne pas mettre d'avis sur est-ce qu'il faut mettre les gens qui ont Alzheimer en maison ou pas. Justement, c'était ce qu'il fallait éviter. La difficulté, en fait, des aidants naturels, qui est de faire ce choix. Est-ce qu'on garde la personne avec nous, quitte à devoir être un aide-soignant ou une infirmière pour la personne qu'on aime. Donc c'était ça le sujet. Est-ce que c'est un film qui est pris aussi aujourd'hui? Est-ce que c'est le genre de choses où on peut te le demander pour, je sais pas s'il y a des festivals de films médicaux ou des choses comme ça? Est-ce que c'est quelque chose que, Je commence à recevoir des demandes de festivals. Il y a pas longtemps, j'ai reçu une demande d'un festival en Suisse où là, ils travaillaient sur les relations intergénérationnelles. Donc, comme on parlait de Alzheimer et donc forcément d'un couple de personnes âgées, Ils nous ont demandé si on pouvait faire partie de leur programme. Mmh. Et récemment aussi, pour ça sera le film sera diffusé en avant-première d'un documentaire sur le sur des vieux. D'accord. Ça sera à Lyon en octobre. Ok. On va parler après de ce que tu fais maintenant après l'école. On va en parler juste après la pause pour savoir, voilà, par rapport à cette conférence sur les écoles. Folktong & Ballads, on est dans un univers qui est complètement différent, Mathieu. Mais oui. Pareil, il y a déjà l'idée d'une animation de synthèse, enfin en 3D, qui est un peu différente, vous aussi. Ouais. C'est un peu le même principe, mais je pense que c'est. Enfin, du coup, on est dans la même classe, faut le dire aussi. Oui, vous avez fait la même promotion. Ouais, c'est ça, la même promotion. Voilà, et on était, la bande-annonce de Folksong & Ballads est aussi sur la news de The Web Anime. Et du coup, on était plusieurs aussi, parce que, évidemment, ce genre d'école qui a un gros aspect technique, mais aussi propose de faire des courts-métrages. Du coup, il y a quand même souvent il y a des gens qui aiment la technique pour la technique, et aussi des gens qui veulent faire des films. Et du coup, nous, on était un petit groupe de personnes qui étaient intéressées par les films d'animation et aussi les courts-métrages. Enfin, on avait des films plus indépendants. Et du coup, on avait vu plein de films qui étaient pas souvent en 3D, justement. Et c'est aussi des films qu'on aime beaucoup. Et finalement, dans l'école, la contrainte, c'est de faire les films en 3D. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était d'essayer de trouver... d'écrire une histoire et de trouver un ressenti par aussi des méthodes plus manuelles. Enfin, retrouver un... Sauf que ce qui est étonnant avec Folksong & Ballads, c'est qu'on n'est pas presque à l'inverse. Mais autant là, on est dans un sujet qui est fort de suite. Dans Folksong & Ballads, on est... La narration, comme le nom l'indique, ouais. Quoi, on est avec un personnage sans forcément comprendre. Il y a une histoire, il y a quelque chose, mais on est dans une balade, comme le nom l'indique. L'idée, c'était de faire une... de pas tellement raconter l'histoire par l'action, mais plus de faire une narration par le décor. En fait, l'histoire... il y a le personnage qui existe comme un fil rouge qui permet de traverser un peu ce décor de port à l'abandon. L'idée, c'était justement, et c'est pour ça que la technique un peu plus graphique et traditionnelle était importante, c'est que finalement, c'est le décor qui racontait plus par le détail et qui devait être plus évocateur, on va dire, et avoir sa personnalité que juste l'histoire, quoi, écrite. On a des références, même hors animation, dans ces cas-là. Vous aviez des références de films? Ah oui, bien sûr. Qui vous guidait par rapport à la mise en scène? Tout à fait. On avait. Alors, il y a plusieurs références. Bon, il y en a dans l'animation, on s'est pas mal inspiré de. Moi, les films de Nordstein, Yuri Nordstein. Et aussi, on avait fait un stage à l'ONF aussi, juste avant de faire nos films. Donc, on a eu plein de gens qui faisaient leurs films. Mais pour le côté, comme ça, film contemplatif et tout, après, moi, j'aime beaucoup Tarkovsky. Et du coup, c'est vrai qu'à la toute base, c'était une référence peut-être un peu principale. Et puis après, ça s'est quand même diversifié. Enfin, on a eu plein de films. On avait des références de prise de film en prise de vue réelle. Pareil, question peut-être un peu bateau, mais est-ce que... Pardon, par rapport au film bateau, très drôle. Excusez-moi, il y a un bateau dans le film, vous aurez compris. Est-ce que ça, c'est un film? On n'a pas l'habitude d'en voir forcément à Supinfocom. On n'a pas l'habitude d'en voir tellement dans les écoles d'animation de toute façon, qui est presque un film plus cinématographique que technique. C'est un peu facile ce que je dis, c'est un raccourci, mais qui est dans le sens où il y a une mise en scène, on va pas vers l'idée d'une technique pour la technique, ce qu'il y a beaucoup dans les films d'études, même s'ils peuvent être très bons. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place par rapport, encore une fois, pareil, l'équipe enseignante, ou est-ce que non, ils ont adoré, ils ont fait oh, génial, ça nous change et en tout cas, Supinfocom, c'était assez facile parce que les enseignants qui nous dirigent, enfin qui nous aident, ils sont tous, ils sont pas, issus de la 3D spécialement, et au contraire même, c'est des gens qui viennent soit du documentaire ou qu'on fait des courts-métrages d'animation ou aussi de la bande dessinée. Et du coup, bah, ils sont assez, justement, là, finalement, dans le fond, c'est pas la technique qui les intéresse, c'est vraiment construire un film et la technique de cinéma, la mise en scène et tout. Et on passe quand même beaucoup de temps à mettre en place, déjà le scénario, mais il y a beaucoup de temps accordé au storyboard, au cadrage, et il y a un vrai travail qui est fait dessus. Et du coup, c'est plus aux élèves de soit bien utiliser ça. C'est pour ça que les films sont si différents. C'est que puis vous avez finalement un peu plus de temps que dans beaucoup d'écoles, parce que vous avez quasiment un an et demi pour faire le film. Olivier veut dire quelque chose, et Bernard aussi. Il me semble que c'est vraiment dans la politique de l'école, de SupinfoCom, justement d'avoir des films qui sont vraiment des films, et que même on peut aller jusque... Par rapport à d'autres écoles. Par rapport à d'autres écoles, c'est lesquelles évident. Je sais pas, autre très bonne école en image de synthèse, l'école Georges Méliès, c'est pas la même optique. Tu travailles ça, Méliès. Oui, j'enseigne à Méliès, mais pas aux étudiants en animation. Mais pour prendre un autre exemple, enfin, je sais pas, il y en a d'autres, je pensais à une école en image de synthèse, mais il y en a d'autres aussi. L'ESMA à Montpellier a pris aussi un peu le pari d'essayer de faire des vrais films, parce qu'on sait très bien que pour une école, ouais, c'est ça qui donne la notoriété. Vous êtes complètement différent. L'ESMA, par exemple, c'est absolument narratif. On voit rarement un film non narratif sur l'ESMA. C'est des enjeux par rapport au film. On fait soit des écoles, effectivement, on forme des très bons techniciens qui vont très bien s'intégrer dans le monde de l'industrie. Bah si, il y en a beaucoup. La majorité des écoles sont celles qui sont hors RECA, par exemple, en effet, sont comme ça. C'est-à-dire que celles qui coûtent 8000 euros, 9000 euros par an. Mais dans le RECA, il y a des écoles privées qui coûtent 7000, 8000 euros par an. Sauf que, est-ce que Lisa ou Georges Méliès, par exemple, font quand même attention aux films de fin d'études? Comme tu dis, c'est la carte aujourd'hui, oui, c'est quand même la carte des écoles. C'est pas forcément la priorité, notamment à Lisa, c'est évident. Mais regarde, les DM1, on n'est pas obligé de finir. Sainte-Geneviève, aujourd'hui, ils sont obligés de terminer. Voilà, Florentine, même pour avoir leur, on va en parler avec Valentine tout à l'heure, mais... À l'ESAT, c'est pas le cas. Voilà. Bon, voilà. Oui. Donc, après, c'est un choix de politique de l'école, c'est ça que je veux dire. Mm. Et que, surtout, que SupinfoCom a construit sa notoriété sur la qualité des films. C'est-à-dire qu'on a très bien vu qu'à un moment, on avait une école qui... elle est un peu pionnière dans ce domaine-là en France, où on avait des gens qui apprenaient un outil, mais les films ne ressemblaient pas à grand-chose, même s'ils étaient bien maîtrisés d'un point de vue technique, formel. C'est et puis tout d'un coup, on s'est vu qu'on a vu des choses originales sortir de là. Alors c'est parce que l'outil évoluait, mais c'est aussi parce que, clairement, le recrutement a changé. D'accord. Ouais. C'est qu'on a commencé à chercher des gens qui avaient un univers en eux, qui étaient capables de faire des films. Et à partir de ce moment-là, l'école a décollé et elle commençait à acquérir une notoriété internationale très importante. Voilà. Mais c'est le choix que n'a jamais fait les Gobelins, par exemple, aussi. Mais je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Voilà. Oui, je suis d'accord. Bernard, tu voulais dire quelque chose? Je voulais rebondir, en fait, sur ce que... Sur Mathieu. Voilà, sur Mathieu. Voilà, mon Dieu. Non, mais c'est par rapport à la distance, en fait, et à la place que prennent les formateurs. Ou, d'ailleurs, c'est marrant parce que tu utilisais le terme... c'était quoi le diriger. Terme diriger, puis après accompagner. Alors voilà, est-ce que c'est l'accompagnement? C'est quelle distance, en fait, on garde cette... On fait une pause musicale. Avec plaisir, vraiment, la musique. Comme ça, parce que je suis presque à l'heure, et on garde ça pour... La suite. Pour la suite et pour la conférence sur les écoles. On est d'accord? Bien sûr, toujours. Il faut vous le mettre. On continue donc toujours avec cette programmation musicale dirigée, on va dire. On écoute, c'est le morceau... Alors, c'est pas le morceau d'après. Parce que le morceau d'après, c'est le morceau de Collapse Under the Empire que j'aurais bien aimé montrer. Donc ça fait 6 minutes. Donc c'est celui juste d'après. Voilà, on écoute et on revient. Bulle de rêve, juste après ça. More La sublime Wong Fei dans Chungking Express de Wong Kar-wai. On a toujours le nouveau film de Wong Kar-wai, The Grandmasters. C'est asiatique cette émission. Et ouais. Vous êtes les seuls occidentaux que j'accepte en fait. Parce que je ne peux pas avoir des japonais tous les mois, donc je suis obligé. Donc voilà, Chungking Express, sublime film de Wong Kar-wai et Wong Fei, avec ses superbes cheveux courts. Ouais, je pourrais parler pendant encore longtemps de Wong Fei et dans Chungking Express. Mais on va passer à d'autres sujets et on va parler des écoles. Donc cette conférence qui va avoir lieu... samedi. C'est moi qui l'a fait en plus, je devrais savoir absolument par cœur. Deux choses importantes samedi, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qui est la rencontre avec l'école des Gobelins et Cartooning for Peace, de 14h à 16h avec Hélène Beau et Aurel, très très importante exercice qui est fait en première année, où les premières années des Gobelins se rendent compte que oui, il y a une société qui existe autour de nous, donc, et notamment travaillant avec des dessins de Cartooning for Peace qui est fait par Plantu, enfin c'est une association de Plantu et où il y a des dessins très très durs des fois évidemment de ce qui se passe dans le monde autour de nous, et ils sont obligés de faire un petit film, donc très intéressant, et c'est des films qu'on devrait montrer vraiment énormément, donc ça c'est vraiment vraiment une très très bonne, enfin moi je sais que c'est plus je peux en parler mieux c'est, et ça tombe bien parce que c'est animé par moi aussi, donc voilà, donc je serai là. Après je suis prof au Gobelin aussi, donc ça aide, parce qu'évidemment dans ce cas-là c'est une façon de faire son autopromotion, c'est plus facile. Délicieux. Moi je peux en rajouter, Alexis me voir spécialement, Sylvie je t'en supplie, est-ce que je peux faire ça? Ouais, parce qu'il y a tellement de choses inutiles en cinéma et en cinéma d'animation, il y a tellement de choses qui servent strictement à rien et qu'on passe du temps à le faire. Pas les tables rondes, bien sûr. Non, pas les tables rondes, mais par exemple, il y a quoi d'autre? Non. Allez. Donc voilà, donc je trouve ça super important de mettre à côté d'un petit bonhomme qui... pendant 3 heures avec une taupe et je sais pas quoi, de mettre des trucs qui parlent de politique et qui parlent de choses importantes par rapport à notre société, qui prouvent que l'animation peut ça. Ouais, je sais pas. Donc en tout cas, voilà, c'est ça qui est important aussi. Et juste après, on va enchaîner sur une table ronde que très modestement, Sylvie, je ne le savais pas, appelée Alexis Uno. C'est-à-dire la table ronde Alexis Uno, c'est d'une modestie absolument incroyable. En fait, on va tous parler de toi. Ouais, c'est... Alors qu'en fait, le sujet n'était évidemment pas moi. J'ai beau être pas forcément des fois modeste, dommage. Mais c'était école d'animation aujourd'hui en France, cul-de-sac ou signe d'un avenir radieux. Ouais, j'étais très content de ma. C'est joli, hein. Ouais, c'est moi qui l'ai inventé. Donc voilà, et donc on va parler de ça, et on va parler des écoles. Peut-être qu'elle sera là, Mathieu et Hélène seront là, c'est sûr, et j'espère qu'elle sera là aussi. Valentine, je vais te poser la question qu'elle a. Valentine, comme certaines personnes, est un petit peu anxieuse avant de venir, et je lui posais la pire des questions sur laquelle on puisse commencer, comme ça au moins elle est tranquille, elle a ça. Pourquoi tu as choisi le cinéma d'animation? Wow. Voilà, comme ça c'est fait, t'es tranquille. T'as eu ta réponse. D'accord, ok. Moi j'ai choisi le cinéma d'animation. En fait, au début, c'était pas ce que je voulais. En fait, j'étudiais à l'ESAT. Un brevet de technicien dessinateur maquettiste, et donc c'est l'équivalent du bac, et donc j'entendais beaucoup parler de cinéma d'animation parce que tout le monde ne parlait que de ça, et moi au début je voulais juste faire de l'illustration parce que ça me plaisait bien, et puis finalement je trouvais que à force de m'entraîner à l'illustration et de dessiner, ça me suffisait pas, je trouvais ça, enfin il manquait quelque chose, je trouvais qu'il manquait un truc en plus. Et je trouvais que justement l'idée, enfin, animer ses propres dessins, enfin, rendre un personnage vivant et puis pouvoir communiquer avec quelque chose qui bouge, enfin, le mouvement, et je sais pas, je trouvais qu'il y avait toute une autre dimension quand j'ai vraiment réfléchi à tout ça et que je me sentais pas satisfaite juste avec le dessin. Et donc finalement, je me suis un peu tournée vers ça et finalement, bah, je m'y sens bien et je trouve que ça me correspond bien. Pourtant, t'as un prof qui t'a mis en garde, non? C'est vrai. Tu m'as raconté cette histoire, je ne m'en rappelais même plus, moi. En garde, pourquoi? Parce que la première fois que j'ai vu Alexis... Donc, oui, moi, parce que je suis prof à l'ESAT aussi. Il n'était pas prof, enfin, ce n'était pas mon prof à ce moment-là, puisque je n'étais pas rentrée encore dans la section. Mais j'étais juste rentrée dans la salle de cinéma d'animation et il m'a juste dit « Toi, mais toi, tu veux faire du cinéma d'animation, mais regarde-les autour de toi, surtout, fais pas ça. » Et finalement, je me souviens plus, elle m'a raconté cette histoire après, j'étais un peu gêné en disant oups. Et aujourd'hui, t'es gêné encore ou pas? De l'avoir fait? Bah, puisqu'elle est là, je suis surtout ravi évidemment qu'elle m'ait pas écouté, sinon ça aurait été terrible, elle aurait été comme visuel, je sais pas, ou un truc terrible. Donc, au moins, elle est venue en animation et je la remercie de pas m'avoir écouté. Moi, j'ai une question à Valentine. J'aimerais savoir, tu as dit que tu avais. Enfin, il y a une transition quoi, que tu as fait entre le dessin et mais qu'est-ce que tu connaissais à ce moment-là du cinéma d'animation en fait? C'était ma question d'après, bravo. Non, mais c'est très bien. À cette époque, enfin, à ce moment-là, je connaissais pas grand-chose. C'est pour ça que, je sais pas, enfin, comme je me sentais pas vraiment satisfaite et que je sentais justement qu'il manquait quelque chose, je sais pas, on me parlait tellement de ça que finalement, enfin, on en entendait parler, les profs en parlaient, parce que c'était la section dans laquelle les gens voulaient rentrer. Et finalement, bah, je sais pas. Parce qu'il y avait quelque chose de merveilleux. Enfin, j'essaie de savoir un peu comment on arrive, en fait, voilà, dans le monde de l'animation. Enfin, Est-ce que c'était vraiment justement, ça? Est-ce que c'était vraiment cette idée de part de rêve, ou est-ce que c'était l'idée de plus par rapport à ce que tu disais à tes dessins? En termes de maîtrise, de donner, quoi. Voilà, de pouvoir leur faire raconter une histoire, de fait. Est-ce que tu aimais le cinéma? Est-ce qu'il y avait des films qui t'avaient marqué? Ben, en prise de vue réelle même, hein, pas forcément d'animation. Comme je te disais, il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte que, il y a super longtemps, en fait, au collège, je pense que c'était la sixième. Pas si longtemps que ça. Ah, quand même. Hein. Ben, j'avais vu un film de Schwenk Meyer, mais je ne savais pas qui c'était. Enfin, la prof d'art plastique nous l'avait lancé comme ça, et au pif. Et donc tout le monde était un peu outré de voir ça et surpris parce que c'était assez décalé quand même. Et finalement, moi, ça m'avait vachement marqué et je m'en suis toujours souvenue. Et quand j'ai retrouvé le nom de Schwenk Meyer et quand j'ai revu d'autres films, j'ai tout de suite reconnu. Et je me suis dit, waouh, mais j'aime trop. Mais je me suis toujours souvenue de ce film-là et il m'a marqué à fond. Et finalement, enfin, je sais pas, je pense que ça a dû faire un petit truc aussi, mais pas forcément conscient, puisque je m'en suis rendu compte il y a pas très longtemps, que finalement ce film-là, il m'avait vraiment suivi tout le long, mais enfin, naturellement, en fait. C'est la technique Bernard, ou... Non, vas-y Bernard, je t'en prie. Pardon, c'est la technique de Schmankmeyer ou bien c'est son côté... À l'époque, peut-être que c'était juste le... Pardon. Vas-y. Ça doit... Non, ça doit te parler. Attends, t'as même pas fini ta question. Non, je n'ai pas fini, mais c'est impossible de finir une question ici. Non, mais je veux savoir si c'est plus la technique qui t'avait impressionné, parce qu'elle est déjà, bon, évidemment, très impressionnante, et, ou bien son esprit, justement, son esprit très noir, très ravageur, et... l'univers qu'il... Voilà, qu'il... Ce film-là, je ne sais même pas le nom de ce film. C'est le film qui commence avec quasiment rien et les parties d'un corps qui rentrent dans une salle et finalement le personnage se reconstitue. C'est Lumière, Obscurité, Lumière, ouais. Mmh. Ok. Qui est un film qui est super dur en effet sur la création d'un homme et finalement plus d'un homme qui. C'est noir quand même. C'est très noir. Voilà, c'est très noir. En général, c'est très noir. Et je sais pas, enfin, c'était pas vraiment, je sais pas, c'était l'ambiance, c'était aussi le fait que, de savoir, enfin, notre prof nous avait prévenu que c'était en terre, enfin, que c'était en argile, quoi, et que c'était... Mais alors... Ça m'avait vachement impressionné qu'un type avec juste de l'argile, des bouts de viande, qui, enfin, il y avait vraiment une vraie langue... Ah, il y a le cerveau, il y a tout à fait, ouais. C'était incroyable. Alors, justement, alors, ce qui m'épate, c'est pour ça que je suis content que tu sois venu et que tu sois là, c'est que tu parles de ton des illustrations. Tu dis que tu as voulu rentrer parce que tu en avais parlé de l'animation et que dans le courant de l'année, dans les exercices que moi j'ai pu donner, puisque voilà, on a compris, je suis prof à l'ESAD, et puis voilà, c'est, tu as plus développé une vision cinématographique qu'une vision par rapport à tes dessins. Tu parles de tes dessins, tu dis voilà, je voulais donner vie à mes dessins, et que finalement, alors peut-être moi dans mon cours, hein, peut-être pas dans tous les autres cours, mais t'as plus, mais même quand je te donnais des exercices où on pouvait dessiner, t'écrivais. Et t'étais plus dans le mot et dans la littérature finalement que dans le dessin. Et qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué? Ou alors finalement, voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais boire, ça irait mieux. qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, est-ce que t'en es conscient? Est-ce que c'est moi, dans mon point de vue d'intervenant comme ça, qui vois ça ou pas? Il est meilleur de mourir. Non, je sais pas. J'avais pris des gènes. En direct. On passe par. Vas-y, moi, attends. On a encore un projet. Non, enfin. Je sais pas. Attends. J'ai un peu la pression. Non, en fait, c'était juste. Je sais pas, c'est vrai qu'au cours de cette année-ci, parce que quand je suis venue de terminale en DMA, je sais pas, j'étais vraiment plus dessin et pas vraiment film. Finalement, pendant tout l'été de transition entre ces deux classes-là, je me suis vachement intéressée au film, à l'histoire animée, etc. Et ensuite, on a été vraiment, vraiment initiés avec les profs, etc. Et finalement, je sais pas, au cours de l'année, j'ai un peu... Enfin, j'ai pas vraiment abandonné le dessin, mais je trouvais que le dessin était moins important, enfin, qu'on pouvait abandonner le dessin pour dire quelque chose, qu'on pouvait, enfin, en fait, le dessin devait dire quelque chose dans l'aspect cinématographique, en fait, que le dessin servait plus juste à faire joli, mais qui pouvait avoir un sens, et donc la manière dont on s'en servait avait vraiment une très grande importance, et que je sais pas, si on commence un film très brouillon et très, très intense niveau dessin avec plein de détails, et qu'à la fin du film, au fur et à mesure, le film, enfin, devient de plus en plus épuré. Ça veut dire, je sais pas, je sais pas, il y a un sens avec tout ça. Et finalement, je trouvais que le dessin me servait pour m'exprimer, mais que fallait rajouter plein de choses autour, et justement, fallait réfléchir au cadrage, au temps, est-ce que ça bouge ou pas. Et donc, finalement, cette matière cinématographique est devenue plus importante que le dessin lui-même, finalement. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir s'exprimer en prise de vue réelle, ou là, t'as fait pareil, sur le site, vous avez un film qu'a co-réalisé Valentine avec Marion Le Guillou à l'association Cellophane, où en fait, c'est des légumes, c'est pour un restaurant, donc oui. C'est des légumes qui bougent. Est-ce que ça, d'un seul coup, tout ça, c'est-à-dire que toute l'année, parce que on en reviendra après, mais à l'ESAD, comme dans beaucoup d'écoles, on vous dit pas forcément ce que vous allez faire plus tard, ou les possibilités, ou ce genre de choses. Il y a beaucoup de liberté par rapport à ça. Est-ce que vous savez faire du cours, ou ce genre de choses? Et à l'ESAD, par exemple, ou dans beaucoup d'écoles, quand Superfocom, on est sur l'ordinateur, mais bon, oui, c'est plutôt du dessin. Mais si vous voulez vous lancer sur de la marionnette, du volume, ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Est-ce que ça, par exemple, le fait de découvrir une matière, d'autres matières qui te rapprochent même de Jean Meyer un petit peu, c'est quelque chose qui ouvre d'autres portes, d'autres envies? Oui, ben, finalement, je sais pas, enfin, oui, moi personnellement, j'ai été de plus en plus attirée par le côté un peu bidouille, enfin, surtout en ayant une petite expérience à Cellophane, enfin, ça m'a vachement, je sais pas, motivée, enfin, ça m'a vraiment montré qu'il y avait vraiment quelque chose à la fin de tout ça et que, enfin, même Annecy, ça m'avait un peu remonté le moral parce qu'au fur et à mesure de l'année, on voyait, bah, tout ce qu'on pouvait faire finalement, enfin, qu'il y avait plein de choses à faire, mais on sent pas forcément un but dans ce qu'on fait puisqu'on n'a pas encore vraiment notre voix. Enfin, on sait qu'on veut travailler là-dedans, on sait qu'on aime bien, enfin, faire tout ça, faire de l'animation, dessiner et réfléchir à tout ça, mais enfin, finalement, comme on n'est pas spécialisé tout de suite, c'était pas facile de se dire qu'il y avait quelque chose après. Et donc, ouais, donc là, je m'égare un peu par rapport à ça. Non, non, pas du tout. Non, c'est tout à fait ça, au contraire. Et donc de faire un petit stage à Cellophane, moi vraiment ça m'avait, surtout que j'ai vraiment touché à tout à Cellophane, enfin j'ai vraiment tout vu, j'ai vu plusieurs sortes de projets, j'en ai eu un tout seul, j'en ai eu un vraiment bien suivi par tout le monde, on était bien soutenus, enfin ça faisait vraiment une bonne équipe et enfin ça rassure vraiment d'avoir un stage à la fin de l'année quand même. Donc ce qui fait qu'il y a l'idée déjà de connaître des réalisateurs, de connaître des gens, de connaître, même si on connaît pas les noms, hein, Jean Meyer, de connaître d'autres choses que tu as pu voir pendant l'année, on va dire. Et ensuite, la réalisation de ses propres... ce stage qui te permet finalement de réaliser toi-même tes propres animations, de voir ça bouger, de voir ça sur Internet, de voir ça, enfin... et ensuite, voilà, c'est les deux pôle important qu'il y a eu là pendant la première année en DMA qui toi t'ont motivé ou t'ont redonné ou t'ont donné une certaine envie de continuer vers autre chose là que le dessin ou en tout cas pas que ça. Oui, il y avait aussi certains projets pendant l'année aussi, enfin je sais pas, c'est pas facile d'en parler parce que c'est assez continu finalement et c'est assez logique comme progression. Ouais, progression, ouais, c'est... Je sais pas, c'est bizarre à expliquer. Non, mais d'accord. Parce que même les projets au fur et à mesure de l'année, on les gère plus pareil. On n'y réfléchit plus de la même manière non plus. Et enfin, on se tourne tout de suite. Enfin, au début, on patauge un peu. Et ensuite, on se tourne vers ce qu'on veut vraiment. Et enfin, parce que finalement, on fait toujours ce qui nous plaît. Et c'est comme ça qu'on trouve, quoi. Hélène, et puis après je demanderai à Mathieu, quand on est voilà, on finit, on a notre film de fin d'études, est-ce qu'à Supinfocom on vous dit, oh là là, vous avez la possibilité de faire ça, vous allez dans la série, vous allez dans ceci, vous allez dans cela, est-ce qu'on vous avez un cours là-dessus? Je connais la réponse, c'est pas chère, surtout je connais la réponse parce que je connais ce qui va se passer l'année prochaine, donc je suis déjà en avance par rapport à ça. Toujours en avance. C'est gentil, Bernard. Et toi, quand t'es sorti, est-ce que t'avais une idée de ce que tu voulais faire ou pas forcément? Ouais, je savais que je voulais travailler dans le court métrage grâce à Gilles Cuvelier. Et bah, en fait, je pense que au final, on a tous tous les élèves de Supinfocom ont les mêmes possibilités de faire. Tout ce qu'ils veulent et c'est rigolo, on a tous la même matière et finalement on emprunte tous des chemins différents suivant les rencontres qu'on fait. Et moi je vois, bah, comme avec Mathieu on était à l'ONF, enfin des choses comme ça, à l'ONF on a rencontré énormément de réalisateurs talentueux, que ce soit, bah, j'ai fait un stage aussi avec Gilles sur son okay, film avec La Patate. C'est les rencontres qui vont orienter notre devenir. Et ça m'a vraiment plu. Enfin, toutes ces expériences m'ont vraiment plu. Et donc, je voulais travailler dans le court-métrage. Et là, en sortant de Supinfocom, tu fais quoi? Donc, je travaille avec Bastien Dubois. Sur la série Portrait de voyage avec Mathieu. Et donc, c'est pas là, un court-métrage? Non. Mais, ouais, mais... Enfin, c'est... entre deux. C'est un entre-deux. Et une série d'auteurs. Enfin, je veux travailler dans. Mais c'est sûr, je sais pas si. Dans l'absolu, je voudrais faire que du court-métrage. Après, mais là. Tu sais que c'est pas possible. Est-ce que ça, tu n'as pas répondu à ma première question parce qu'elle était longue et puis voilà. Est-ce que ça, Supinfocom, on vous disait, c'est-à-dire qu'on vous dit, dans les écoles, moi je travaille, il n'y a pas forcément dire, attention, vous allez faire ça, vous allez faire ça. On essayait de rassurer plutôt en disant, bah, vous allez travailler dans la série parce que c'est là où il y a un peu plus oui, de boulot. Quand on voilà. sort de Superfocom, on vous dit, bon, voilà, on a 1000 anciens étudiants qui travaillent dans telle boîte, allez voir telle boîte. Et voilà. Ouais. Et donc, si on a envie de changer le chemin, c'est... On le fait tout seul, quoi. On le fait tout seul. C'est pas mais c'est pareil, là, pas, tu parlais à Valentine de tel choix de faire un film en marionnette, un film en volume ou tout ça. Et à l'ESAT, ils font plus de la 2D. Nous, à SUP, on fait plus de la 3D. Mais on a le choix. Enfin, si les élèves ont la volonté et ont les envies... Sauf qu'on a le choix. On a eu une étudiante l'année dernière qui a fait du volume... Il y a moins, par exemple, d'intervenants qui peuvent l'aider par rapport à ça. Si Valentine voulait faire de l'abstraction, par exemple, l'année prochaine, je ne dis pas que les profs sont compétents à l'ESAT, hein, je ne vais pas me faire virer à quelques jours de la rentrée, donc je ne voudrais pas dire ça, mais il n'y a pas un professeur qui va pouvoir lui dire... Ouais, allez, ça y est, comme ça commence. il n'y a pas un professeur qui peut lui dire, bah, tiens, tu vas travailler sur Bandit. On va tenter, mais Gilles Cuvelier ou Gabriel Jacquel, qui sont très talentueux, on le sait bien, c'est pas moi qui le dis, mais ils ne travaillent pas sous cette matière-là. Donc c'est ils ne travaillent pas cette matière-là, mais je pense qu'ils ne vont pas freiner un élève qui va chercher la... Long, la... Oui, ça sera plus long, mais en même temps... Enfin, tu vas pas dans une école comme tu vas dans un supermarché où tu choisis, tu fais avec ce que tu as et puis. Donc c'est la volonté qui. Oui, c'est moi. Je pense, je suis sûre, c'est la volonté. Bernard, justement, comment on choisit son école alors? Moi, je suis rentrée à Superfocom parce que je connaissais que Superfocom. D'accord. Et j'ai fait avec. Et en fait, quand je suis rentrée à Superfocom, je voulais faire Matrix ou Le Seigneur des Anneaux. Je voulais faire des effets spéciaux pour le cinéma. Et c'est pour ça que je dis que les rencontres sont super importantes. Parce que si j'avais pas eu. J'étais abreuvée de courts-métrages d'animation grâce aux interventions de Gilles ou de Christelle Koopman qui intervenait en classe préparatoire. J'aurais jamais fait le choix que j'ai fait aujourd'hui. Valentine, tu fais. Tu disais, toi aussi, c'était par rapport au film, le fait de voir des films est important. Oui, le fait de voir des films, de s'ouvrir et de se rendre compte qu'en fait, il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas quand on rentre dans une école d'animation. Bon, il y en a certains qui connaissent déjà tout quand ils sont rentrés, ils connaissent déjà tout. Mais moi, quand je suis rentrée. En DMA, mais je me suis rendu compte que finalement j'étais un peu à côté de la plaque et que je m'attendais pas à voir des films, par exemple, que tu nous montres, des films pas forcément connus, qui sortent pas forcément au cinéma, etc. Et c'est pour ça que finalement on se tourne vite vers les festivals, parce que y a certains trucs qu'on découvre là-bas et je trouve que découvrir et justement rencontrer des gens, ça change vraiment pas mal. Enfin, exactement comme tu disais, c'est à force de rencontrer les gens qu'on change. Est-ce que toi, alors que tu rentres dans ta deuxième année de DMA, tu sais déjà ce que tu veux faire l'année prochaine, par exemple? On va pas parler de possibles projets ou de choses comme ça. Dans un an, par exemple, est-ce que c'est Superfocom ou c'est l'ANSAD? Je reprécise ma question, pardon, c'est parce qu'elle va être importante aussi dans ce qu'on va dire, c'est parce qu'il y a une personne dans la table ronde, une personne du RECA, donc qui est, je déteste ce terme RECA, ça fait, je peux pas dire à quoi ça fait penser, mais en tout cas, réseau des écoles de cinéma d'animation, voilà, c'est peut-être bien de le dire. Ouais. Voilà, réseau des écoles de cinéma d'animation, parce que RECA comme ça, voilà. Et donc il va venir, on va parler de beaucoup de choses avec lui. Comment toi, tu sors du DMA? On sait bien qu'aujourd'hui, en sortant du DMA, on va encore vers des écoles. Avant, on bossait. Est-ce que tu as déjà une envie en te disant, tiens, je veux faire ça, donc je vais aller plutôt vers telle école? Et si c'est le cas, comment tu connais les écoles? Comment tu peux savoir que telle école fait ça, etc.? Faut se renseigner sur Internet, faut demander à ses profs, faut se renseigner, faut s'intéresser. Et après, c'est pas facile pour le choix parce que, je sais pas, moi j'ai encore du mal à savoir vraiment vers quoi je vais, même si je m'oriente un peu. Mais j'irai plutôt vers un truc... Attends, j'ai la pression. Non, mais non. Est-ce que le choix géographique aussi des écoles joue Dans ce choix. Il y a sûrement le choix géographique, il y a sûrement le choix financier. Tout le monde ne peut pas forcément avoir 8000 euros. Ou alors, quand c'est, on s'endette et on se dit, Mathieu, toi, quand tu as fait Supinfocom, c'était quelque chose d'important ou tu as vu. Parce que ça coûte quand même assez cher, Supinfocom. Ouais, ça coûte cher. Ben, moi, j'ai eu de la chance que mes parents puissent financer mes études. Non, mais c'est clair, c'est important. Et effectivement, la plage géographique joue beaucoup. Parce que je pense qu'on a, quand on sort du lycée ou même un peu après, on n'a pas encore le recul suffisant pour se dire telle école, elle est plus orientée comme ça. Enfin, on voit, on va dans des salons de formation. Et en fait, c'est plus au feeling de se dire, bah, je sais pas, il y a un truc dans celle-là qui m'a peut-être plus touché qu'ailleurs. Mais c'est assez, enfin, je sais que moi, on apprend sur l'école et sur son école et sur les autres aussi, en y étant et en se disant, maintenant, je me dis, effectivement, elle est peut-être, enfin, plus orientée pour, si j'avais voulu faire du film traditionnel, j'aurais été dans telle école et, enfin, c'est assez, en tout cas, c'est assez flou. Enfin, moi, le souvenir que j'en ai quand je cherchais mon école, c'est que j'avais pas une vision très nette de toutes les écoles d'anime de France et je l'ai un peu, ouais, il y a une part de hasard, quoi, c'est clair. Et quand on sort de l'école, est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est compliqué quand t'es sorti, t'as fait ton film, le film a marché un petit peu, vous avez eu un prix au Japon, enfin, etc. Bah, ouais, c'est compliqué de trouver un boulot. En effet, on appelle tous les gens de Supinfocom, les anciens de Supinfocom. Bah, s'il te plaît, vite, j'ai besoin d'un boulot. Parce que... bah, je pense qu'au début, on réfléchit pas tellement parce qu'on essaye de travailler au plus vite, quand même. Du coup, c'est vrai que la sortie, mais c'est assez. Parce que justement, le film continue, il fait les festivals et tout, donc on n'est pas encore sorti de l'école. Enfin, je pense que ça joue. C'est l'après, je pense. Après, une fois que le film a fini. Sa saison de festival, c'est là que ça va jouer, c'est de faire la suite. Enfin, en tout cas, enfin, pour nous qui avons envie de faire d'autres films après, je pense que c'est là, pour l'instant, on se dit, bah ouais, même si on travaille dans des boîtes de pub ou des. On se dit, bah c'est pour manger, donc c'est pas définitif, mais il y a un moment où il va falloir essayer d'aboutir à des nouveaux projets. Mais ouais, au début, on se sent un peu perdu de se dire, bon, bah maintenant, faut vers qui je vais me tourner. Mais c'est clair qu'on n'y est pas du tout préparé à ce niveau-là. Valentin, si je peux me permettre, l'idée quand on est dans une école, enfin, quand on veut rentrer dans une école d'animation, c'est pour quoi? C'est pour faire un film? Dire, on a envie de réaliser un film plus tard, ou est-ce que c'est pouvoir retrouver avec une boîte de prod ensuite, ou est-ce que c'est une première dit, je pense, ça dépend des personnes. Oui. Ouais. Et là, elle a dit tout à l'heure. Première idée. Et c'est vrai. Enfin, ça va dépendre. Bah, Mathieu, toi, ta première idée. Par exemple, pour Supinfocom, c'est les films. Enfin, moi, je sais. Mais que je parle pas de Supinfocom. Je parle de ton idée quand t'as voulu rentrer dans une école. Pourquoi? C'était pour faire un film. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi lié à l'école dans le sens où. On voyait, enfin, même, on a vu des films de Supinfocom sans connaître du tout les écoles d'animation et tout. Enfin, du coup, on se disait, bah, tiens, là, je pourrais faire un film comme ça. Enfin, moi, c'est ça qui m'a attiré. C'est pour faire un film ou pour apprendre à faire un film? Bonne question. Bah, si, c'est pour apprendre à faire un film. Je tenais le temps, hein, le timing, c'est parce que c'est eux qui parlent. Hein. Parce que moi, je tenais vraiment le timing, c'était bon. J'avais une dernière question à Valentine. Et t'as vu, il part tout le temps, on m'engueule pas. Oui, bien sûr. Je suis d'accord. Après, je me fais engueuler parce que j'ai pas parlé suffisamment trois ours. Ouais, je la connais. Genre. Donc, vas-y, Hélène. Non, mais enfin, c'est intéressant quand t'es étudiant que tu te rends compte que c'est pas l'école qui va te faire, c'est tes rencontres qui vont faire. Et finalement, les écoles. Non, mais c'est bien de. Je suis d'accord. Après, c'est aussi un peu le débat. J'espère qu'on aura et la conférence qu'on aura et qu'on va développer. Je suis complètement d'accord avec toi. La seule chose, c'est que c'est vrai que je pense qu'on est dans des sociétés de plus en plus. Une banalité de plus. Complexe, en tout cas, voilà, où on a pas tellement de libre. On a de moins en moins de liberté, on va dire. Il y a de plus en plus d'angoisse de trouver un boulot, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se dire. Cette volonté, moi, elle m'impressionne énormément. C'est compliqué de se dire, je sors de l'école et oui, je veux dire. C'était ma dernière question aussi que je vais poser à Valentine. Donc, toi, tu peux y réfléchir. Voilà, non, c'est de se dire, si on se dit à l'avance, tiens, moi, je veux faire du court-métrage, sachant que c'est quasiment impossible de vivre que du court-métrage, qu'il faut faire en effet, comme tu disais, des boulots à côté, etc. Comment on fait? Est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on décide, comme Arthur de Pince, par exemple, qui fait la révolution des crabes et qui fait du, qui essaye de bosser, mais qui fait aussi de la plonge, par exemple, qui ne travaille pas du tout dans l'animation et qui essaye de faire des choses pour garder sa motivation, parce que quand on travaille toute la journée dans l'animation, rentrer le soir et se dire, allez, je fais mon petit projet personnel là. C'est forcément compliqué, Olivier. Oui, j'ai un petit complément, parce que quand on parle de faire du court-métrage, on pense réaliser les courts-métrages, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des gens qui participent au monde du court-métrage. Et souvent, ce qui se passe dans les sociétés de production que je connais, y compris la mienne, c'est que souvent les gens qu'on a, dont on a produit le film comme réalisateur, souvent ils sont amenés, après leur film, voire pendant leur film d'ailleurs, ça arrive parfois, à travailler sur les courts-métrages des autres. Et alors évidemment, c'est une situation où on travaille comme technicien, mais évidemment, c'est un contexte qui est très différent parce que c'est beaucoup plus intime. Ce qui se passe sur Kiki de Montparnasse, par exemple. Oui, par exemple, la réalisatrice, à un moment, avait besoin de travailler, donc elle a travaillé sur un autre court-métrage qu'on produit, le Troisième Œil. Valentine, toi, tu, quand tu entends Hélène et Mathieu, par exemple, est-ce que... je ne vais pas te demander si l'avenir t'inquiète et si c'est compliqué, parce que bon, c'est... Mais... est-ce que toi, tu as déjà des choses en tête et tu dis, j'aime vraiment aller vers ça? Et donc, aujourd'hui, tu te donnes des outils en te disant, waouh, il faut que je m'en occupe maintenant? Ou tu dis, je verrai bien plus tard? Comment ça se passe? Je m'en occupe maintenant. Okay. Enfin, je commence déjà maintenant à réfléchir à ce que je voudrais faire, à débuter ce que j'aimerais faire. Et c'est pour ça qu'on se fait plaisir dans le genre d'orientation. C'est qu'on fait ce qui nous plaît. Enfin, pas seulement, parce qu'il faut voir un peu de tout, mais... Enfin, moi là, je commence à réfléchir à des courts métrages, alors que je me vois déjà pas faire des longs métrages. Enfin, ou bien travailler sur de la série, je sais pas trop si je me vois faire ça ou quoi. Mais non, je suis plus court métrage ou j'ai envie de dire film d'auteur, mais enfin, ouais. Court métrage personnel, c'est-à-dire quoi? Comment? Court métrage personnel, c'est-à-dire c'est des choses que t'as envie de. Voilà, c'est. Pour l'instant, oui, puisque j'ai pas de... Enfin, comment ça, court-métrage personnel? Pas de court-métrage de commande, je veux dire. Enfin, ouais, oui, c'est parce qu'aujourd'hui, on peut avoir un court-métrage, ce qu'on appelle aujourd'hui court-métrage de commande, où on va, ouais. Voilà, où tu vas travailler sur... Si, pourquoi pas. Enfin, c'est juste que là, j'en ai pas, donc c'est juste que je commence à réfléchir à des courts-métrages, parce que ça me fait plaisir d'y penser, et que je fais ça à côté, et que je fais ça en plus des devoirs qu'on peut nous donner, que ça, parfois ça part des devoirs qu'on peut nous donner, et que finalement on s'accroche à un sujet et on le fait jusqu'au bout, quoi. Bon, donc en tout cas, vous avez compris. Valentine, ça y est. Donc c'était très bien. Parfait, merci beaucoup. Et donc elle reviendra évidemment nous parler de tout ça et des prochains projets. Et puis j'espère. De toute façon, si vous voulez en attendre, si vous êtes à Paris, c'est samedi prochain, c'est 16h30, 17h45. Si vous nous écoutez maintenant, si vous écoutez, venez même à 16h15, parce que j'arriverai bien normalement à commencer la conférence à 16h15, même si Sylvie veut pas. Mais comme je suis têtu, je vais bien réussir. On passera quelques films avant et il y aura sur Hélène et Mathieu qui seront là avec Florentine, qui nous parlera de son rôle de prof, Marine Blin qui est actuellement à la Poudrière et qui nous parlera de sa carrière d'étudiante après l'ESAT, l'EMK, maintenant la Poudrière, elle en a 7 ans d'études, voilà, savoir quand on peut devenir docteur de l'animation, et ben voilà ce que ça donne. Il y aura donc René Broca, le responsable du RECA, qui en posera plein de questions méchantes, et Renaud Jungmann de Lisa, directeur. Donc voilà, on a essayé de montrer. Et j'espère, on verra bien, mais j'espère peut-être Valentine, voilà, qui viendra encore. Donc si vous avez des questions, voilà, c'est pas encore sûr, mais bon, avec un peu de chance, peut-être qu'elle sera là. Et c'est bon, ça fera déjà un bon panorama. On va faire une dernière pause musicale très rapide. On revient pour deux questions fast food aux trois ours et savoir qui est Bernard Boulade. Donc on écoute juste ça. On en a parlé pendant tout l'été. C'est autre chose que ce qu'on avait dit. C'était surtout une grande actrice. Donc voilà, là on l'écoute. Je vous laisse écouter. Just you. nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Ba-dum-ba-dum-ba-doodly-dum. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Ils sont trop forts, mes invités. Nicolas a dit antenne, ils sont tous. Normalement, il y en a toujours un qui fait. Je peux dire, ah, là, vous venez d'entendre quelque chose qui a dit une saloperie sur un tel ou un truc comme ça. Ouais, non, ça n'a pas marché. Sylvie nous racontait en fait un peu voilà, plein de choses et de sa vie. Bernard nous disait à quel point il aurait préféré être président de la CIF. Enfin bon, toutes ces choses-là, etc. Les trois ours, ça marche financièrement, Olivier? Aujourd'hui, ça va On essaye de se débrouiller, ouais. Ouais. C'est pas toujours simple parce que les producteurs c'est jamais très très facile, y compris d'ailleurs les très grosses sociétés, mais voilà, c'est le choix de la production. Mais donc voilà, ça tient et les trois ours pour l'instant vont continuer encore pendant quelques années. Oui, on va essayer, oui. Bernard commence pas. Artistiquement, t'as une question? Non, pour continuer quoi. Voilà, mais ça ressemble à quoi en fait? Un volume de production, votre volume de production aux trois ours. Vous arrivez à produire combien de films par an maintenant? C'est difficile de faire une moyenne parce que la réalisation des films, ça peut être tellement long. On a terminé un film qu'on a commencé, qu'on a initié à la création des trois ours en 2008. Donc tout, ça fait quand même, ans. Ça peut être très long. Puis il y a des choses qui vont beaucoup plus vite. Donc c'est difficile à dire. On a dû produire. On doit être. 9 ou 10 courts-métrages, choses comme ça. Vous avez atteint votre rythme de croisière maintenant, ou vous pourrez dire ça? Je sais pas. Je sais pas quel est le rythme de croisière, j'en sais rien. C'est difficile à dire. Il y a The Golden Horse, 75 minutes. Donc vous lancez dans la coproduction de long-métrage. Ouais, enfin c'est plus de la prestation sur une petite partie, sur les décors du film, storyboard du film. Voilà, effectivement. Mais effectivement, on développe un certain nombre de projets de long-métrage, notamment avec des long-métrages en marionnette venus de République tchèque, avec des gens qui ont beaucoup de talent, donc on est content de le faire. En fait, est-ce que c'est ce qui a présidé un peu à la création finalement des Trois Ours? C'est qu'après l'AFCA, après Arcaillon, tout le monde connaît ton histoire par cœur évidemment, quand on écoute Bulle de rêve. Est-ce qu'après tout ça, c'était vraiment cette idée de coup de cœur et de créer avec des gens qu'on a envie de créer, qu'on a envie de produire? Parce que quand on regarde, c'est vrai qu'il y a le prochain Simone et Massy, il y a le prochain Serge Elissal, ça c'est plus évident parce qu'il est dedans, il y a Mademoiselle Kiki, il y a beaucoup de jeunes. réalisateur et jeune créateur. Et je sais que t'aimes bien aller dans les festivals, enfin voir plein de films, etc. Donc, il y a vraiment, on sent une grande diversité. T'as l'Acropole avec la Bulgarie, là tu viens de parler de, avec la République tchèque. Donc, il y a vraiment une envie comme ça de... être le plus large possible. Bah c'est pour ça que c'est bien comme métier. C'est le fait de pas savoir ce qu'on va faire demain. On rencontre des gens et puis on se lance dans un truc. Alors ça marche pas toujours. Des fois ça marche pas. C'est terrible. Mais des fois il y a des projets qu'on n'arrive pas à monter. Mais voilà, on fait des rencontres et on se lance dans des projets parfois improbables. Il faut être un peu aventurier, je pense, pour ça. Encore plus si on se lance dans des projets de long métrage ou de série ou enfin. C'est relativement balisé, mais c'est quand même une aventure pas évidente. Quoi. C'est d'où l'importance des festivals, d'où l'importance de montrer ces films. Est-ce que ça, c'est aussi l'un des grands combats d'un producteur de, le film est fini, et ben maintenant, il faut absolument qu'il vive. Pour le court-métrage, c'est évidemment primordial. Pour moi, le festival, c'est très important pour deux raisons. D'abord, effectivement, c'est un lieu où on voit des films, et il me semble que pour un producteur, c'est absolument indispensable de voir des films. C'est un lieu de rencontre. Essentiel. On n'a pas toujours le temps durant l'année de rencontrer des gens. Pendant les festivals, on le fait. Et puis, c'est un lieu, effectivement, où on monte ses films. Et pour un court-métrage, s'il n'est pas montré, c'est terrible. C'est ce qui peut arriver de pire. Après, c'est rare qu'il rapporte de l'argent, le court-métrage. Quand il est montré sur une chaîne de télé, c'est bien. Mais je crois que pour le réalisateur, le plus important, c'est d'être vu en festival, d'être sur place, de rencontrer des gens. Alors, le cœur qui bat, voilà. C'est le plus important. J'ai un court-métrage qui est sorti en salle. Mais finalement, c'est très, dans un programme de court-métrage, La Vénus de Rabot, c'est très loin, quelque part. C'est très satisfaisant pour les réalisateurs de dire que son film est montré en salle. Mais en même temps, on ne le vit pas vraiment, quoi. Alors que dans le festival, on vit. Ouais, et puis à la rencontre avec les, en effet, d'autres personnes qui font voilà, la même chose, et puis d'un seul coup, cet échange. Ouais, je crois que c'est très stimulant. C'est pour ça que je dis toujours aux réalisateurs, essayez d'aller au festival. C'est pas toujours facile. Hein. C'est pas toujours facile parce que souvent ils sont obligés dans ils doivent travailler pour vivre donc souvent ils travaillent et puis des fois ça peut être très loin derrière, etc. C'est compliqué. Unifrance paye pas tous les billets d'avion tous les réalisateurs et c'est pas toujours évident. Est-ce qu'aujourd'hui toi en tant que Olivier Catrin artistiquement t'es content de ce qui se passe aux Trois Ours? Ah oui. Oui. Ouais, vraiment. Genre de question. Sans dire non, on pourrait dire bah ouais, tiens, par exemple, en effet, il y a Simone et Massi, mais il y a peut-être d'autres réalisateurs. Tu dis bah tiens, j'ai loupé tel réalisateur. Artistiquement, évidemment, ce qui me plaît, ce que je fais me plaît, mais c'est vrai qu'il y a des petites choses que j'aimerais là. Oui, mais évidemment, j'ai des envies, mais je peux aller solliciter quelqu'un pour dire bah, j'aimerais bien travailler avec toi. Ce que j'ai fait parfois. Voilà. Et il n'y en a aucun qui m'a dit non pour l'instant. Mais si tu ne fais pas un film avec quelqu'un, tu peux te dire que peut-être dans 2 ou 3 ans, tu feras un film avec cette personne-là. Et puis, voilà. Bernard ? Oui, est-ce que vous avez. Voilà, je lance un peu la question comme ça. Vous avez une ligne éditoriale ? Est-ce qu'on peut parler d'une ligne éditoriale en 3 ans ? Pas vraiment. Pas vraiment. En fait. Essentiellement, je choisis les projets à deux avec Serge Elissane. Mmh. Moi, je reçois les projets. Enfin, il y a des projets qui lui arrivent directement, forcément, parce que comme il enseigne à l'MK et à la Poudrière, il y a des étudiants qui s'adressent directement à lui, par exemple. Mmh. Et puis, il y a les gens d'Angoulême, souvent, le connaissent bien, vont s'adresser directement à lui. Mais sinon, en général, c'est moi qui reçois les projets. Ceux qui me plaisent, je les propose à Serge et qui me dit, ben, voilà, si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas. On peut éventuellement, on choisit un peu comme ça. Après, il y en a un qui peut beaucoup aimer un projet, l'autre un peu moins. On peut le produire. Donc c'est pas unanime, quoi. Voilà, en fait. C'est pas forcément, non, c'est pas. Ouais. Vous n'avez pas développé chacun votre petite écurie. On n'a pas exactement les mêmes goûts, mais on se retrouve quand même sur l'essentiel, quoi. Ouais. C'est quand qu'on va avoir le nouveau film de Valérie Pierson? Il y en a une dans le studio qui a le cœur qui bat. Bien sûr, c'est quelqu'un que j'aimerais bien produire, mais il faut qu'elle se décide à faire un nouveau court-métrage. Donc, pour l'instant, elle est occupée sur d'autres choses. Et celui de Florentine Grelier. Alors, celui de Florentine Grelier, il est en cours d'écriture. Voilà, pour les prochains. Florentine, c'est quand qu'on voit ton nouveau cours? Après ton intégrale à Crocanim cette année, l'intégrale des films d'atelier, l'intégrale des films de production, etc. Belle intégrale. Tu me demandes quand est-ce qu'il sera fini? c'est difficile. Bah, elle n'a pas encore commencé. Là. Oui, voilà, non, mais l'écriture, le scénario, il est fini là. D'accord. Ouais. Donc c'est bon, ça. Et il finit pour elle, mais moi je l'ai pas lu. Non, non, la semaine prochaine, je te l'envoie la semaine prochaine. Il est fini à noter, mais je vais le mettre au propre et je te l'envoie. Okay, la semaine prochaine, là c'est dit en direct sur les lundi, gens, peux, lundi matin. Wow. Ça négocie dur. Ça c'est vraiment. Olivier, tu voulais nous parler d'un thème qui, enfin, je le vois. Je sais pas si c'est ça. C'est peut-être pas l'hommage à Chris Marker, même si en effet il pourrait être intéressant. Je vois où sont les femmes, qui est la couverture des Cahiers du cinéma. Ouais, je voulais parler des Cahiers du cinéma. Il y a tout un dossier sur les femmes réalisatrices qui est très intéressant. Et il y a une page sur l'animation, quand même. C'est quand même ils ont fait un effort, c'est des Cahiers du cinéma quand même. C'est déjà beaucoup pour eux. Voilà, et c'est un auteur que je ne connais pas, qui s'appelle Marie Pruvot de l'Aspre. Voilà. Apparemment, c'est une très jeune critique. Bah, c'est intéressant à l'animation, ça peut pas être un des vieux cons qui écrit. Okay, non, mais hein. elle est très enseignée. Apparemment, c'est assez pointu. Elle commence par parler des femmes méconnues qui entre Francesca Yarbousova qui a travaillé avec Yuri Norstein, fait ce blé avec John Eble, et Claire Parker avec elle parle pas des vaches Frank Mayerova. Elle parle des femmes à l'ONF, elle parle des femmes dans l'industrie, etc. Donc c'est très intéressant. Et elle cite une réalisatrice française, Florentine Grelier. Florentine Grolli. Non, wow. Non, c'est pas vrai. Exactement. Le scoop. Donc, non, donc c'est quand vrai. Même, ouais. Donc je voulais j'y dire. J'y crois pas. Exactement. Alors, attendez, moment. Florentine Grolli dans les Cahiers du cinéma, c'est énorme. Non, sérieux. Florentine la pauvre là. Voilà, c'est vrai. Voilà, alors je voulais en dire un mot parce d'accord, qu'effectivement ouais. C'est Florentine, on peut ça j'ai produit le film. Mais en plus, c'est pas seulement pour ça que je voulais en parler, c'est parce qu'effectivement c'est très intéressant ce qu'elle raconte. Elle fait aussi une critique des enfants loups que je trouve très intéressante. En tous les cas, il y a un vrai point de vue, une vraie critique, et un compte rendu aussi du Festival d'Annecy où aussi elle dit des choses aussi très intéressantes. Wow, donc une vraie critique. Donc voilà. Et je me rappelle au mois de mai, j'ai lu dans les Cahiers du cinéma aussi quelque chose de très intéressant sur Yuri Norstein, une interview très bonne d'Eugénie Zonkin, qui est aussi une très jeune critique. Ouais. Donc je me dis, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, on a des gens qui parlent. Les femmes sont l'avenir, des critiques sont intéressées. Enfin. Et voilà. Alexis, il faudra faire venir. Eugénie Zonkin, elle a déjà été invitée plusieurs fois, je la connais. Elle enseigne à Paris 8 aussi, mais elle est débordée, donc elle ne peut pas venir, mais elle est invitée. Et je avec plaisir, parce qu'on voulait faire les femmes dans l'animation. Donc c'est une très très bonne idée. Voilà. Florentine, tu es the queen of the invitation. Je suis d'autant plus ravi que j'ai souvent dit du mal des Cahiers du cinéma. Et ben nous aussi, ici. Traiter l'animation ces dernières années dans cette même émission. Donc, C'est très bien. Mais c'est encore une fois, c'est des femmes qui font ça. Ce n'est pas des hommes, ils sont trop cons. Donc, qui êtes-vous, Bernard Boulade? Hein? Il te reste 5 minutes, Bernard. Ouais, c'est ça. Qui suis-je? Mais ce n'est pas une question, ça, mon cher. Alors, comment t'es venue ta passion pour le cinéma d'animation? Oh, c'était la première question. C'est la question, puis là, je la sentais venir, celle-là. Je l'ai préparée. comment c'est arrivé? Oh là là. C'est arrivé, j'ai dû tomber dedans quand j'étais petit. Hein, un peu comme tout le monde. Je crois que c'est McLaren. Ce sont les films de McLaren. Peut-être que les premiers films d'animation que j'ai vus, c'est sans doute les siens. Mais je ne savais pas que c'était de l'animation. Enfin, je ne savais pas ce que c'était, quoi, en fait. Tout court. Puis après, j'ai compris que c'était de l'animation. Enfin, plus tard. Voilà. Et je pense que ce sont peut-être les premiers films de McLaren. Et puis j'ai voyagé avec lui, quoi. Et après, je sais plus comment j'ai découvert l'animation. Parce que j'ai dû voir des Walt Disney, sans doute, hein, ouais. Comme tout le monde. Mais j'aimais pas les films pour enfants en général quand j'étais enfant. C'est vrai. Donc évidemment toutes les bien sûr. Oui. Mais on n'avait pas de télé, hein, alors voilà. Donc je les ai découverts un peu par la suite, quoi, les Tex Avery, tout ça, même au cinéma, tiens. C'est l'année. On a vraiment plus beaucoup de temps pour ça, mais de toute façon tu vas revenir. L'idée c'était de la te rentrer, et puis l'idée c'est que tu vas revenir et tu vas nous expliquer ce que tu vas faire à l'AFCA. Je vais pas te le demander cette semaine. Pas tout de suite. Ouais. Voilà, parce que là, ouais. C'est l'année des gens qui viennent du Québec. T'as passé longtemps au Québec. Comment l'année? Ah oui, l'année. Québec. D'accord, oui. Et donc on a un nouveau directeur d'Annecy, directeur artistique. C'est vrai. Qui vient de là-bas. L'invasion des Canadiens. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est. Pourquoi l'AFCA? C'était vraiment quelque chose. T'as passé beaucoup de temps au Festival de Brest. Ouais, j'ai passé 3 ans. Voilà. La direction artistique. Et je sais que tu me disais, on en est parlé, t'étais venu ici en parler, que c'était des fois, que c'était des fois compliqué par rapport au court-métrage d'animation, de place, etc. Est-ce que là, l'AFCA, d'un seul coup, c'est pour, justement, toi, ça, c'est. Ben, c'est vrai qu'à Brest, c'était pas évident, quoi, d'imposer, mais enfin, déjà, de défendre l'animation. Moi, je voulais même monter une compétition là-bas de films d'animation. Enfin, je voulais vraiment. Enfin, on faisait quand même un travail autour de l'animation. On avait déjà 2 programmes. On faisait des ateliers, des workshops. Enfin, il y avait des activités autour autour de l'animation et aussi du côté du programme jeunesse, quoi, tout ce qui était jeunesse. Mais moi, bon, j'avais envie de plus, voilà. Et l'AFCA, bah, c'est une occasion qui s'est présentée, voilà. C'est une occasion qui s'est présentée. Et c'est vrai que bon, j'ai toujours eu un faible pour l'animation. J'ai été président d'Azifa Canada en fait quand j'étais à Montréal, voilà. Donc c'était pas, j'étais un peu dans ce milieu-là depuis un certain nombre d'années à l'époque, à côtoyer les gens de l'ONF. Voilà, on a cité tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est un monde que j'ai bien connu et que j'ai connu évidemment en fréquentant tous les festivals comme tout le monde, en écoutant Bulle de Rêve, hein, voilà, bien sûr. Et c'est bien. Florentine commence à enlever le studio pour l'émission d'après, mais vas-y, continue. C'est toujours bien de continuer, de finir comme ça sur. On finira sur. L'avant-dernier, je pense, parce qu'il y en a deux, qui est un dernier petit hommage à la personne que je voulais, voilà, pour le mini musical, elle comprendra. Oui. Donc il y a de l'argent qui est donné excuse-moi, il y a juste de l'argent qui est donné à il y a 1000 euros pour le prix Crocanine, voilà, qui a été quand même fait par le fonds de dotation, et ça c'est très important, c'est la première fois quand même, par le fonds de dotation de Féminie et Dignité. Ok. Pour Rémi. Le mandat de l'AFCA, pour envoyer les informations, il faut le faire à l'adresse siteafca@gmail.com et pas au dernier moment, s'il vous plaît. Ok, merci, siteafca. Bernard. Moi j'ai une question. Bon. À quoi sert l'AFCA, hein? Bon, ça, j'y reviendrai la prochaine fois. Mais une chose, je me demande, qui autour de la table est membre de l'AFCA et adhérent à l'AFCA? Moi. Moi. Voilà. C'est-à-dire que les étudiants ne le sont pas. Voilà, les étudiants. Donc voilà, c'est un des objectifs. Voilà. À mon avis, ne le sont pas non plus. Voilà. Et puis voilà. Donc on aimerait bien que les étudiants adhèrent à l'AFCA. Merci infiniment. On se retrouve tous la semaine prochaine à Crocanime. Merci à Sylvie, Hélène, merci Valentine. Déjà les filles, c'est normal. Et bravo Alexis pour avoir tenu l'heure parfaitement. Bravo. Merci Maman Florentine. Merci à Mathieu, Olivier, Bernard, Rémi, donc qui était là. Je suis désolé, Arthur, on parlera de chimie un petit peu plus tard, chimie cinéma un peu plus tard, mais promis, tu reviens à l'émission quand tu veux. Et on termine sur, allez, pour donner un autre goût, on termine sur une chanson qui est tirée de Test of Tea, un film, japonais pour changer. Allez, à bientôt. À bientôt. Yamayo. Yamayo. Yamayo. 何それ 呀呀呀呀嘛呀嘛呀嘛呀呀呀呀嘛呀嘛呀嘛呀呀呀呀嘛呀嘛呀嘛呀呀呀呀嘛呀嘛呀嘛呀呀呀呀嘛呀嘛呀嘛呀呀呀呀嘛呀嘛呀嘛 呀嘛 呀嘛 呀嘛 嘛 呀嘛哟呀嘛哟呀嘛哟山よ山よ山は生きている山よ山よ山よ山よ山は生きている山よ山よ山よ山よ山は生きている生きている生きている山よ山よ山よ山よ